Puisque nous sommes nombreux ce soir à 18h32, je vous propose de procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino présent, Cédric Pape est dans l'ascenseur, Elham Chahir, Édouard de Noël, Émilie Trigot, Vincent Doucissé, Jonji Biro, Hissène Ounissi, Yasmina Sadoud, Choki Haddad, Edith Félix, Brahim Akrour, Merloane Georges, doit être dans l'ascenseur également, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Jean-Claude Oliva, Valérie Bille, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Mariem Diop, Kaline Tribic, Amit Chahir, Mamadou Silla, Manon Chrétien, Zora Kelly, Mona Bellil, Jules Raguenaud, Sébastien Gricourt qui est à l'étranger et va donner pouvoir, Mohamed Jenan, Sébastien Stalens, Pierre Vionnet, Laurent Jamet, Angéline Desbordes-Silly, Claire Laurence. Si, je t'ai pas cité Solène. Solène Le Bourris, désolé. Solène Le Bourris. Donc je propose de désigner Solène Le Bourris comme secrétaire de séance. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Nous n'avons pas de demande d'intervention. Nous avons des vœux qui seront examinés ensuite. Approbation du procès verbal du 4 juillet 2024. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce PV ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante, convention tripartite entre la ville de Bagnolet, les Restos du Cœur et la Régie publique de l'eau. Est-ce ensemble ? On a, je pense, eu l'occasion d'évoquer ce sujet il y a quelques mois. Donc le local des Restos du Cœur a fait l'objet d'une avarie à la suite d'un problème d'assainissement sur la voie publique. Donc, il a fallu trouver le meilleur dispositif juridique possible pour pouvoir permettre au Resto du Cœur de bénéficier à nouveau d'une fourniture de denrées. Donc, le dispositif qui a été trouvé, c'est ce dispositif, c'est cette convention qui a été travaillée par les services de la ville et qui nous permettra d'acheter via nos marchés de fourniture ces denrées. Et on les refacturera à la Régie publique de l'eau d'Est Ensemble. Est-ce que ça appelle des remarques de votre part ? Pas de remarques ? Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Marché public relatif à la fourniture de denrées alimentaires pour les crèches. Cédric. Merci. 1, 2, super. Merci Monsieur le maire, bonjour chers collègues. Donc nous allons délibérer sur le marché public relatif à la fourniture de denrées alimentaires pour les crèches. C'est un sujet qui revient pour la seconde fois et qui a été évoqué lors de la commission d'appel d'offres qui a eu lieu avant-hier soir, pour être plus précis. Je remercie tous les collègues qui étaient présents. Donc, lors du précédent conseil municipal, on a vu un lot infructueux. Et donc, nous sommes rentrés dans une négociation avec des fournisseurs de gré à gré pour pouvoir attribuer le lot numéro 1, fourniture de denrées alimentaires aux deux crèches Lénine et Vienno. Et la CAO a retenu le seul, d'ailleurs, reste fournisseur qui s'est présenté et il a été retenu par la CAO. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Vionnet ? Oui, je pense que ce que c'est présenté comme une délibération très technique post-CAO, alors qu'on est sur un sujet qui est quand même un sujet politique important. Et moi, j'ai le sentiment qu'on pourrait résumer cette délibération par « Vous avez aimé Sodexo, vous avez adoré Elior ». Parce qu'effectivement, moi, j'ai quand même l'impression que là, on est à rebours du travail de beaucoup de villes. Moi, je sais que j'ai eu la chance, là, aux dernières universités d'été des écologistes fin août, d'assister à un atelier très intéressant sur ces questions d'alimentation et de fourniture dans les villes, et où un certain nombre de villes, je pense Lyon a notamment expliqué ce qu'ils faisaient. Alors, c'est un peu de travail, mais qu'ils fractionnaient énormément leurs appels d'offres de fourniture, afin, parce qu'effectivement, si on veut des produits de qualité, de saison, de préférence bio et de préférence venue de proximité en circuit court, ce n'est pas nécessairement le même producteur qui sait faire les différents types de fruits, les différents types de légumes, etc. etc. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villes qui retravaillent leur fourniture de manière justement à diversifier et à pouvoir avoir des produits de qualité en circuit court. Bon, évidemment, si on aime la barquette en plastique et le surgelé, il vaut mieux s'adresser à Sodexo ou à Elior. Donc moi, je trouve quand même éminemment regrettable. Alors c'est un sujet plus petit que celui de la fourniture de la cuisine centrale, mais je pense qu'on est quand même sur un sujet qui montre qu'il y a bien peu de prise en compte de la qualité d'alimentation, là en l'occurrence des tout-petits. Donc notre groupe votera contre cette délibération. Oui, alors je comprends bien que vous essayez quand même de rendre la chose politique alors qu'elle ne l'est pas du tout. D'abord, il y a eu une CAO et l'opposition n'était pas présente. Ça, c'est le premier point. Parce que toutes les questions que vous posez, à la limite, vous auriez pu profiter de ce temps-là qui vous est attribué pour pouvoir avoir les réponses des experts et de l'administration. Parce que vous conviendrez avec moi que l'administration est neutre et qu'elle apporte des réponses à toutes ces questions-là. Donc le temps d'échange, essayez d'en profiter pour éviter de dériver en version politique et essayer d'avoir des réponses techniques à vos questions techniques. Maintenant, ce qui s'est passé, je ne vois rien de politique dans tout cela. Il y a eu une première CAO où, malheureusement, sur la fourniture de denrées alimentaires, il a été infructueux. Ni vous, ni moi n'y pouvons quelque chose. Et ensuite, on est passé en marché de gré à gré et on a eu une seule offre. Je vous propose de me définir que pouvons-nous faire d'autre. Je pense que c'est là où nous avons un différent profond d'appréciation, puisque moi, comme un certain nombre, je pense qu'on considère que cette question de l'alimentation est une question politique, parce qu'il est c'est aujourd'hui, on a beaucoup de nos concitoyens qui, malheureusement, ont du mal à donner une alimentation de qualité à leurs enfants ou à leurs aînés, d'ailleurs. Et je pense que la responsabilité des villes, à travers la restauration, des crèches, dans ce cas précis, des écoles, dans le cas que j'ai évoqué avant, des maisons de retraite, ont une responsabilité importante, que c'est une question de justice sociale et de justice écologique, d'ailleurs aussi. Et donc, je pense que c'est une question, c'est pas juste une affaire de marché de fourniture, et que c'est une question politique importante, et que si c'est une question politique importante, comme le cas que j'évoquais, mais j'aurais pu en évoquer bien d'autres, ça veut dire qu'il faut s'en donner les moyens et qu'effectivement, il faut fractionner les appels d'offres pour pouvoir s'adresser directement à des producteurs de préférence situés dans une aire de proximité et que tout ça nécessite, je pense que la manière dont on structure la commande publique, c'est une manière, ce n'est qu'un outil au service de politique publique. Bon. Absolument. Il ne vous a pas échappé que... On a lancé un important travail avec Table Commune concernant la restauration. On a adhéré dans un conseil municipal précédent, je ne sais pas si vous étiez présent, Monsieur Vionnet, à Table Commune, ce qui doit nous permettre d'aller justement vers ce système de restauration différent, de sortir du partenariat avec Sodexo. Le travail n'a pas encore eu lieu au niveau de la petite enfance. Et l'objectif, c'est que une fois qu'on aura adhéré et que notre adhésion se sera concrétisée par le travail avec Table Commune dans les écoles, on prenne la suite avec, pour les crèches et pour le secteur petite enfance. C'est ça l'objectif. Sachant que Sodexo, ce n'est pas un héritage, c'est vous qui l'avez mis en place. Sodexo, ce n'est pas un héritage. En fait, je vous rappelle juste qu'il y avait 24 prestataires pour la ville et que les préconisations de la Chambre régionale des comptes, c'était de recourir à un marché pour avoir un seul prestataire, regrouper tout ça, et qu'en fait, en l'occurrence, Sodexo a quasiment les mêmes prestataires que nous avions auparavant de manière directe. Monsieur de Noël, oui. Très facile, si tu veux y aller. Maintenant, en fait, bon, vous commencez vite et de façon un peu forte, donc il faut un peu monter en température. Donc, je monte tout doucement parce qu'il n'est que 18h30. Mais, encore une fois, moi, je veux bien croire que c'est éminemment politique. Allez, à la limite, je vous rejoins. Mais alors, pourquoi venez-vous pas en CAO ? Parce que c'est bien beau en conseil municipal, parce que c'est retransmis, parce qu'il y a du public, de dire c'est éminemment politique et je me préoccupe de ce sujet-là, mais venez en CAO déjà. Enfin, c'est le premier point. Parce qu'encore une fois, ces sujets-là sont abordés en CAO, les questions sont posées et les réponses sont données par l'administration. Donc, si vous voulez, c'est bien beau de jouer le jeu du chevalier blanc en conseil municipal. Je me préoccupe. Et puis de ne pas venir aux réunions qui sont super importantes, parce que je vous rappelle encore une fois que la CAO prévaut sur le conseil municipal, et donc la décision de la CAO est vraiment primordiale. Donc venez plutôt en CAO poser des questions et remettre en cause le travail des agents qui classent les offres, plutôt que de faire une longue tirade politique que je peux comprendre, parce que vous êtes conseiller municipal d'opposition, mais qui n'aura aucune influence sur la CAO. Voilà. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que le lot était infructueux. Nous avons donné la CAO à l'époque, et il y avait certainement M. Laurent Jamais à cette époque-là. Il a dû être présent, je ne sais plus, mais on va dire qu'il était là, sur le fait que, comme le lot 1 était infructueux, on devait passer en négociation de gré à gré. Les agents ont fait leur travail et on a reçu une offre. Donc la CAO a décidé tout simplement d'attribuer ce lot-là à ce fournisseur de denrées alimentaires. Et encore une fois, il ne s'agit que de fournir des denrées alimentaires. Hein. Ça ne va pas plus loin. Hein. Enfin, on a déjà eu ces débats de nombreuses fois. Je peux me permettre quand même deux éléments de réponse. Le premier est très factuel. Je ne suis pas membre de la CAO. C'est pour ça que j'ai bien parlé d'opposition. Par contre... je suis membre de deux commissions et j'y assiste systématiquement. D'ailleurs, parce que si on veut jouer au petit jeu, j'étais à la commission numéro 2 alors que vous-même, vous portez beaucoup de dossiers, vous n'y étiez pas. Et je ne vous en fais aucun reproche parce que tout le monde peut avoir un souci d'agenda. Donc, moi, j'aimerais que vous me répondiez sur le fond et pas en renvoyant à des histoires, vous n'étiez pas à telle réunion, parce qu'à ce moment-là, je peux vous dire, ah ben vous non plus, vous n'étiez pas à telle réunion. Je pense qu'ici, on est en conseil municipal, on n'est pas dans une cour de récréation. Et puis, deuxième élément, ce que vous me répondez, l'histoire, infructueux, machin, etc., par rapport à ce que M. Di Martino vient de me dire, je pense que justement, c'est le cœur du débat. Alors moi, j'ai le plus grand respect pour les chambres régionales des comptes, mais ce n'est pas les chambres régionales des comptes qui font la politique municipale. Et dans des villes telles que j'ai évoquées, parce que j'ai dit Lyon, mais c'est le cas de Tours, j'en parlais récemment avec un vice-président d'une agglomération dans le Jura, ils ont justement fait le contraire. Là où ils avaient 3, 4 fournisseurs, ils sont passés quelquefois à 60, 70, justement pour avoir des produits de saison en circuit court, etc. Je peux comprendre que ça ne soit pas le sujet d'une chambre régionale des comptes, parce qu'effectivement, comme son nom l'indique, elle est là pour contrôler les comptes et pas la qualité de l'alimentation ni la transition écologique dans l'alimentation. Mais je pense qu'une ville, et d'ailleurs beaucoup de villes en France, et les dizaines de villes qui le font, les maires n'ont pas eu de problème grave avec les chambres régionales des comptes sur les fournitures de denrées alimentaires, à ma connaissance. C'est pour ça qu'on a adhéré à la table commune. Édouard de Noël. Merci, bonsoir à toutes et à tous. On a donc participé au même atelier, on ne s'y est pas croisé, mais à la sortie, j'ai pu discuter avec plusieurs élus qui étaient présentes, parisiennes, bordelaises, montpelliéraines, qui sont de communes, on va dire, qui sont d'une masse critique plus importante, d'une part, et qui, d'autre part, n'ont pas forcément été confrontées aux mêmes difficultés que les nôtres. Mais quand on parle avec elles, le fait d'avoir valorisé renforcer la cuisine centrale, c'est déjà un premier atout. C'est insuffisant, je vous le concède, mais c'est déjà un premier atout. Il y a beaucoup de villes, même pas loin d'ici, qui font de la livraison immédiate en Elior, et pourtant leurs élus étaient présents au même atelier. Donc la question, c'est quoi? La question, c'est 1, renforcer la cuisine centrale. 2, il y a une phase transitoire de redressement, effectivement, avec un prestataire qui a aidé à la commande, parce que si on fait n'importe quoi avec les commandes, et donc avec les deniers publics, on se retrouve avec une situation inextricable où on n'a pas les moyens de mettre en place la politique alimentaire qu'on veut. Malgré ça, on a mis en place l'option végétarienne quotidienne, qui a priori dans vos rangs pas remporté un franc succès. Et pourtant, puisque vous parliez tout à l'heure d'écologie et de décarbonation à tous les niveaux, c'est un levier hyper important, pour le dire trivialement. Et effectivement, il va falloir y aller pas à pas. La sortie de cet opérateur-là pour aller vers table commune, mais table commune, ce n'est pas un absolu, parce que table commune ne règle pas la question de qu'est-ce qu'on met dans l'assiette des enfants, qu'est-ce qu'on veut avoir chaque jour dans l'assiette des enfants. Et une dernière chose, là, vous évoquez la petite enfance, mais on n'est pas sur les mêmes normes alimentaires que pour les écoles, qu'elles soient maternelles ou élémentaires. Et donc, il y a des normes beaucoup plus strictes, qui rendent beaucoup plus difficile ce que vous dites. Là, vous faites un package en disant de 0 à 18 ans, c'est la malbouffe. C'est pas ça la question. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer drastiquement dans les écoles maternelles et élémentaires d'abord. Et c'est une fois qu'on aura fait ce processus-là qu'on pourra, et parce que malheureusement c'est plus normé, se tourner vers les enfants les plus jeunes. Donc je pense vraiment que c'est une phase transitoire qu'il faut aboutir dans ce mandat. Ça prend du temps, mais on valorise la cuisine centrale, on la garde, parce qu'encore une fois, et je le répéterai à chaque fois, et je le redirai même quand ça ne sera plus Sodexo, nous n'avons personne de Sodexo qui cuisine. Nous avons un fournisseur de denrées alimentaires. On choisit les denrées alimentaires. Il faut mieux les choisir. Il faudra éclater les lots. Il faudra faire mieux. Mais Sodexo ne cuisine pas à Bagnolet. Nous avons des agents publics municipaux qui cuisinent pour nos enfants. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Moi, je peux vous donner acte de ce que vous dites. Mais simplement, moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Donc, je peux entendre qu'il y a des chemins qui peuvent être longs, mais, et le maire l'a dit lui-même, quand on est passé de plusieurs fournisseurs à un seul, on a plutôt fait dans la régression par rapport à ce chemin que mènent beaucoup de villes pour diversifier les produits. Donc moi, pour diversifier les fournisseurs. Donc moi, je veux bien entendre que le chemin soit long, mais il va être encore plus long si on commence par aller en arrière. C'est tout ce que je constate. Allez-y, monsieur Stalin. Non, mais très rapidement, juste pour appuyer un peu ce que vient de dire Pierre, faut quand même prendre conscience, bonsoir à tous déjà et à tous pour commencer, prendre conscience un peu de l'aspect déceptif de cette délibération et de son annonce. Quand on connaît le chemin de croix qu'on a parcouru, qu'on parcourt encore avec la Sodexo, aujourd'hui se voir entre les mains d'Elior, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu passer simplement dans le cadre d'une délibération sans intervenir comme Pierre l'a fait à l'instant. C'est forcément une déception. C'est une étape donc transitoire. Nous le concevons dans ce sens et uniquement dans ce sens. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi, et Pierre l'a dit rapidement tout à l'heure, il y a peut-être un problème de structuration de commandes publiques. Pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à obtenir de la part de fournisseurs qui ne demandent qu'à travailler la réponse par rapport à des propositions? Est-ce que la ville a des retards de paiement? Est-ce qu'on a des problèmes aujourd'hui avec certaines entreprises qui seraient en capacité de répondre à ces appels d'offres pour arriver justement à nous fournir? On est obligé aujourd'hui d'avoir un seul proposant, c'est Elior. Donc il est vrai, c'est déceptif. Et nous voterons contre, bien évidemment, même si nous avons compris les arguments qui étaient les vôtres. En tout cas, voilà, je vous remercie. Merci. Edith Félix. Oui, j'ai l'impression que le fait que ce marché soit attribué va permettre aux cuisiniers des crèches de cuisiner eux-mêmes. Dans la première phase de l'appel d'offres, il n'y a pas eu de réponse. Et donc, jusqu'à présent, les repas sont livrés tout faits et déjà cuisinés. Donc là, moi, je pense qu'il faut qu'on se satisfasse du fait qu'on a trouvé finalement un prestataire qui peut livrer les denrées, parce qu'on va retourner à un mode où les repas au moins sont cuisinés sur place. Donc ça veut dire que d'un point de vue fraîcheur, c'est quand même beaucoup mieux pour les petits-enfants. Voilà, donc moi, je pense que c'est important de le rappeler, ça. Alors, juste un mot pour... si je peux conclure comme ça, c'est bon, on va laisser la liberté, mais je pense qu'Edith Félix a bien résumé la situation. En fait, vous dites qu'on recule, hein, monsieur Vionnet. Ben, moi, je trouve qu'on avance. Et encore une fois, on est passé d'un lot 1 qui était infructueux, on était en liaison froide, ça, c'était le constat de juillet, à un lot 1 qui va être attribué, ce qui fait qu'aujourd'hui, les denrées alimentaires vont être distribuées directement dans les deux crèches, hein, cuisinées sur place. Donc, ce qui n'a rien à voir avec la cuisine centrale, entre parenthèses. Donc, c'est mieux. Donc après, on peut faire de la politique en disant que ça recule. Je ne pense pas que ce soit très intéressant de rentrer dans ce genre de débat. Donc aujourd'hui, on attribue un lot pour la distribution de denrées alimentaires directement aux deux crèches pour que ça soit cuisiné sur place. Et je pense que les parents seront très contents. Est-ce qu'on peut passer aux voix ? Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je remercie. Délibération suivante, marché public relatif à la fourniture de consommables dentaires. Cédric Pape. Alors, c'est une note plutôt technique, puisqu'elle fait suite à la CAO qui s'est réunie donc avant-hier. Je ne dis pas que M. Vionnet n'était pas présent, mais force est de constater que l'opposition n'était pas présente. Et la CAO, suite aux recommandations de l'analyse technique, a attribué le marché. Le marché a été attribué à Euroshine. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ? Pas de remarques, pas d'observations. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, marché public relatif à la fourniture de tickets restaurants. Donc, deux mots d'introduction. Le dispositif en place a été instauré à la sortie du Covid. Vous en souvenez, il s'agissait de proposer une solution de restauration aux agents municipaux et de soutenir le commerce de bouche locale. En effet, le restaurant inter-entreprise présent dans le socle des tours mercuriales géré par Edurne n'a pas résisté aux confinements successifs et ont conduit à placer un nombre significatif d'actifs en télétravail. Le dispositif tel qu'il a été imaginé à l'époque avait pour vertu de pouvoir être déployé très rapidement et sans support logistique important. Cependant, il présente d'importantes fragilités juridiques et son usage est très difficile à encadrer. En effet, le nombre de mésusages, fraudes signalées, va en grandissant et nous sommes dans l'incapacité d'assurer un réel contrôle. Le dispositif tel qu'il a été présenté aux organisations syndicales et validé avec elles et aux représentants du personnel se base sur un ticket, du style virtuel, une valeur faciale de 12 euros et une part prise en charge par la ville modulée en fonction de la rémunération réelle des agents. L'objectif est de proposer une réelle solution de restauration aux agents communaux, de donner du pouvoir d'achat supplémentaire aux agents pour le moment possibilité de faire ses courses avec des tickets restaurants, fort probable que cela soit reconduit en 2025, et de sécuriser et fiabiliser le dispositif. Voilà, Cédric. Merci, monsieur le maire. Donc, c'était sans doute le sujet le plus important de la CAO qui a ouvert de nombreux débats. Je tiens à apporter l'information que M. le maire a donné l'autorisation à deux syndicats représentants du personnel d'être présents afin tout simplement de pouvoir suivre l'analyse technique et de suivre les délibérations entre élus. Ils étaient là à titre informatif, non pas voté. Et du coup, nous, on est resté sur un cadre très technique sur cette distribution donc, de tickets restaurants dématérialisé avec une carte ou avec son téléphone, qui sera valable sur la commune avec les commerçants ou les surfaces alimentaires. Et nous avons suivi la recommandation de l'analyse, c'est-à-dire que le marché est attribué à UP Corp. Est-ce qu'il y a des remarques, Monsieur Vionnet ? Oui, nous voterons pour cette délibération, ce qu'on va évidemment pas se prononcer contre des tickets restaurants pour le personnel. Donc nous voterons pour. Malgré tout, parce que j'ai posé des questions en commission, où j'étais bien, et j'ai pas eu de réponse, de réponse très précise. Là, j'ai écouté ce que vous avez dit à l'instant, Monsieur Di Martino. Sur la sécurité juridique, etc. Moi, ce que je trouve un peu regrettable, c'est que pour le coup, et d'ailleurs, on s'en était félicité à plusieurs reprises en conseil municipal, nous trouvons que le dispositif qui avait été mis en place avec les restaurants locaux était un dispositif plutôt intéressant et innovant. Effectivement, il permettait au personnel communal de se restaurer à proximité, mais il faisait en même temps travailler les restaurants locaux, alors qu'on sait bien que les tickets restaurants sont largement utilisés dans les chaînes d'hypermarchés, etc. Donc c'est vrai que je trouve un petit peu dommage qu'on s'arrête là, et surtout j'aurais bien aimé, alors je me permets de le refaire en conseil municipal, parce que j'ai posé la question en commission, mais la réponse était un petit peu floue, donc je me permets du coup de la reposer en conseil municipal, parce que vous m'aviez déjà dit un peu la même chose, sécurité juridique, difficulté de contrôle, mais ça aurait été intéressant peut-être qu'un vrai bilan soit tiré de cela avant d'abandonner ce système qui, je le répète, on avait trouvé plutôt intéressant et innovant. Vas-y. Bah, en tout cas, un des points positifs, à mon avis, qui sera retenu par les commerçants avec cette carte dématérialisée qui œuvre partout dans toute société, hein, enfin, c'est comme le système normal, hein. C'est que les commerçants seront payés en temps et en heure. Donc, je pense qu'ils vont trouver de la trésorerie, et ils seront très contents d'avoir de la trésorerie, surtout dans ces périodes un peu difficiles. Et une des difficultés, c'est le suivi administratif par les commerçants. Les commerçants nous indiquent avoir des difficultés dans le suivi administratif. Aujourd'hui, vous savez que les gens donnent leur nom, donnent un matricule, mais il y a impossibilité de vérifier. Il y a impossibilité de vérifier. Les commerçants, on ne va pas leur demander d'exercer des vérifications compliquées. Et on le sait pour le vérifier quotidiennement que des gens qui ne sont pas agents de la ville ou des gens qui sont en arrêt de travail bénéficient de la restauration de midi. Donc ce n'est pas très juste. Voilà, il y a un autre élément, il y a un système de cashback qui est mis en place, c'est-à-dire qu'à partir de... On déclenche un euro supplémentaire pour le dit commerçant lorsque l'on va chez lui. Il y a un système de fidélisation qui est mis en place. Donc, mais si c'est vous vrai voulez... Que, c'est vrai que ça peut aller dans la grande distribution. Non, vous avez tout dit, monsieur le maire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des systèmes éprouvés qui fonctionne sur tout le territoire national, que ce soit émis par des services publics ou par des sociétés privées. Je pense qu'autour de ce conseil municipal, beaucoup de personnes ont des tickets restaurants dématérialisés et ça marche très bien. Je vous laisse la parole juste après, monsieur Jamais. Et on a veillé, effectivement, parce que ce sont des remarques qui ont été remontées, notamment lors de la CAO, à ce qu'effectivement... notamment les représentants du personnel étaient là, hein, donc eux-mêmes ont veillé à ce qu'ils aient un maximum d'avantages et que les commerçants de la ville soient fidélisés, et en même temps avec la carte on peut aller aussi en grande distribution pour s'acheter des denrées alimentaires. Laurent Jamais. Oui, je ne retirerai pas un mot sur ce qu'ont dit mes collègues tout à l'heure sur Elior. Il se trouve que là, si j'avais pu être à la commission d'appel d'offres, j'aurais évidemment voté pour cette proposition, parce que Up est aussi une belle entreprise et qui est une entreprise coopérative. Et il me semble important que aussi, on va favoriser Elior tout à l'heure, mais c'est bien aussi de temps en temps de choisir, même le plus souvent possible, de choisir des entreprises qui ont effectivement une vocation sociale, sociétale. Et voilà, donc le choix de Up, je levais la main parce que j'ai une carte Up, puisque évidemment l'entreprise dans laquelle je travaille à souscrit avec Up pour cette raison-là, d'ailleurs, pour cette raison de choisir une coopérative, une SCOP plutôt qu'une autre entreprise. Donc c'est un bon choix. je partage les préoccupations de Pierre Vionnet. Alors, avec un bémol malgré tout, c'est que on sait aussi que la crise aidant, beaucoup de gens aujourd'hui vont en supermarché, font leur repas. Et c'est aussi une manière pour beaucoup de salariés qui ont des fins de mois difficiles de pouvoir évidemment affronter ces moments. Et par ailleurs, le TUP est une bonne solution aussi pour se restaurer. Si d'autres observations, je propose de passer au voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, avenant numéro 5 à la Convention de délégation de services publics pour la gestion du chauffage urbain. Cédric Pape. Bon, alors c'était une autre commission qui a eu lieu aussi mardi soir. Donc on arrive à l'avenant numéro 5 pour la convention de délégation de services publics relative à la gestion du chauffage urbain. Je tiens à préciser, parce que c'est toujours plaisant, que cette fois-ci l'opposition était représentée exactement par Madame Desbordes-Sivy. Merci beaucoup. Donc, et qui a posé des questions. Donc, cet avenant numéro 5, pour rappel, donc, l'avenant numéro 4 a porté à 27 ans la DSP qui nous relie avec la SDCB et la filiale Engie jusqu'en 2033. Il est question de faire 1,4 million d'euros d'investissement sur deux axes. Un axe d'autonomie pour les deux chaudières. Donc, je suis juste un tout petit peu technique, mais c'est pour comprendre à quoi sert l'investissement. Donc, il y a 1,4 million d'euros en tout qui vont être investis. 400 000 euros qui sont liés au fait que nous avons deux chaudières à l'heure actuelle et un seul système d'entrée. C'est risqué, puisque si ce système d'entrée des matières premières tombe en panne ou subit un pépin quelconque, c'est les deux chaufferies qui s'arrêteront. Et en plein hiver, ça peut être évidemment très dommageable et très ennuyant pour l'ensemble de la population bagnoletaise qui est reliée à la SDCB. Donc le but de cet investissement, c'est d'avoir deux entrées pour les deux chaudières, parce que les deux tombent en panne en même temps, c'est peu probable, même si c'est malheureusement faisable. Le deuxième investissement, c'est sur 1 million d'euros, c'est sur un système de sécurité, de détection des incendies et d'alerte incendie et de pouvoir éteindre le feu. Là aussi, ce sont des investissements qui nous paraissent importants parce que, je le redis, on a été interpellé de plusieurs fois, monsieur le maire et moi, lors de réunions publiques, notamment ces derniers temps, sur le fait que les bagnoletaises et les bagnoletaises tiennent beaucoup à la SDCB et nous aussi. Donc, très clairement, ça rentre dans la politique d'investissement de moderniser et de bien investir pour bien maintenir la chaufferie. Le deuxième volet, c'est la partie recette. Comment financer, en fait, c'est 1,4 million euros. Donc, la solution qui est proposée, c'est une partie sur une modification du tarif payé par l'usager, qui s'élève à environ 3,50 euros par usager par an. Et la deuxième, sur une revalorisation du matériel non amorti à la fin de la DSP en 2033. C'est pour ça que je m'étais arrêté sur le fait de vous rappeler que ça avait été prolongé à 27 ans. Ça veut donc dire qu'en 2033, tout le matériel que nous sommes sur lequel en train d'investir aujourd'hui, si nous changeons de délégataire à ce moment-là, ce matériel non amorti sera revalorisé à la hausse et à la charge du repreneur. Vous me dites si je ne suis pas si clair que ça, mais sinon, j'ai fini mon intervention. Merci. Des remarques, Madame Desbordes. Alors, trois remarques. Alors, sur la commission de consultation des services publics locaux à laquelle effectivement j'ai participé, j'ai quand même une petite remarque. Elle est un peu désagréable ou désobligeante. Vous y êtes pour rien. Vous respectez la loi, mais 4 jours ouvrés de convocation. Elle a eu lieu avant-hier, je crois, cette commission, et on a été convoqué par l'administration le 25 septembre. Donc, bon, c'est une remarque je pense que c'est pareil dans toutes les collectivités, mais si on veut travailler les dossiers qui sont hyper techniques, c'est vraiment des avenants techniques, c'est court. Voilà, première remarque. La seconde remarque, c'est plutôt sur la nature de cette convention aujourd'hui qui est vraiment une convention de cession qui a été initialement signée en 2012. On en est au cinquième avenant, donc c'est vraiment une convention de délégation à tiroir. Bon, moi, j'ai pas de difficulté, vous connaissez mieux la commande publique et les obligations en la matière que moi, mais pour suivre le délégataire, la principale difficulté avec la SDCB, c'est le contrôle, me semble-t-il. Bon, aujourd'hui, ça fonctionne mieux, on a un réseau de chaleur qui dysfonctionne moins que par le passé. L'année dernière, à ma connaissance, il y a eu très peu d'avaries ou de pannes sur le réseau primaire. Il y a eu des avaries comme sur le réseau secondaire, mais qui sont liées à des défauts de maintenance des copropriétaires ou des bailleurs. Donc là, c'est pas la SDCB qui est, c'est pas Engie qui est responsable. Néanmoins, en 2021, en 2022, il y a eu des arrêts de plusieurs heures, de plusieurs jours, d'interruption de fourniture de services de chaleur et d'eau chaude sanitaire en plein hiver. Donc évidemment, là, on va adopter un avenant qui consent à faire 1,5 million d'investissements supplémentaires, mais il faut contrôler. Je suppose que, enfin, il y a un cabinet de, je crois que vous faites appel à un cabinet de qui, pardon. Voilà, j'avais oublié le nom. Voilà. Bon, je trouve simplement que 5 avenants en 10 ans, ça fait à peu près un avenant tous les 2 ans, c'est beaucoup. Mais voilà, c'était une remarque. Enfin, c'est beaucoup parce que quand on essaie de comprendre un peu les mécanismes de cette convention de délégation, c'est compliqué parce qu'il faut revenir à la source et successivement revenir aux 4 et désormais 5 avenants au contrat initial. Bon, la troisième remarque, c'est que, tu l'as dit Cédric, il y a eu un avenant. Le quatrième avenant qui a été passé en 2019, et cet avenant, il prolongeait la délégation de services publics, il la prolongeait jusqu'en 2039, et pas 2033, jusqu'en 2039, parce qu'il prévoyait la réalisation de travaux et d'investissements pour un montant de 8 millions d'euros. Et ces travaux d'investissement, ils incluaient évidemment des remises en service du réseau primaire, hein, qui est un vieux réseau, puisque certaines canalisations datent du début des années 70. Mais il y avait aussi des travaux de modernisation, de sécurisation des chaudières au gaz. Et les fameux travaux de ce que j'ai dit en commission, c'est que je pensais que c'était des travaux de maintenance, mais je pensais que modifier un système d'alimentation, c'était inclus dans les travaux de maintenance, mais vous m'avez répondu que non, et je vous crois. Bon. En tout cas, ces travaux-là, les travaux qui ont été financés sur l'avenant numéro 4, ou accordés sur l'avenant numéro 4, ne concernaient que les chaudières au gaz, et manifestement pas les chaudières bois. En tout cas, c'est ce que j'ai compris à la lecture des différents documents. Donc aujourd'hui, 5 ans plus tard, on passe un cinquième avenant d'un montant d'1,5 million pour un système de détection extinction incendie. C'est pareil, ça. Bon, je pensais que c'était des travaux de maintenance ou de maintien en condition d'entretien des chaudières, mais ça l'est pas. Et ces travaux-là, et c'est un peu ce qu'on peut déplorer ici, c'est que ces travaux vont avoir un coût pour l'abonné, pour l'usager final. Alors évidemment, personne n'est ici capable de comprendre les formules mathématiques qui sont dans les délibérations. Enfin, tu l'as dit, je crois que c'est 3 euros d'augmentation, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours trop. D'autant plus que c'est toujours un petit peu compliqué pour l'usager final de comprendre sa facture de chauffage, puisque c'est l'abonné qui est facturé, ensuite c'est dans les charges de location ou de copropriété. Enfin, je ne sais pas comment a été négocié cet avenant l'avenant numéro 4, mais c'est un peu dommage qu'il n'ait pas englobé la maintenance ou les investissements sur les chaudières biomasse, parce qu'évidemment, Vous suivez une trajectoire de décarbonation avec aujourd'hui une part de l'énergie biomasse qui flirte avec les 60%. Donc c'est très bien. Ça veut dire qu'on a un réseau de chaleur qui est bas carbone. Donc c'est vraiment une trajectoire sur laquelle il faut confirmer. Mais aujourd'hui, on a quand même un investissement supplémentaire qui sera en partie facturé aux usagers, et ça, c'est regrettable. Bon, alors, vous avez tout à fait raison, je me suis trompé tout à l'heure, il faut que je m'achète des nouvelles lunettes. C'est bien 2039, la convention qui nous lie. Maintenant, après, le nombre d'avenants, 1, 2, 5, 9, sincèrement, je ne pense pas que ce soit ça le problème. Il y en aura d'autres. Hein, enfin, et vous pourrez nous dire à ce moment-là, bah, il y a un avenant 6, et puis il y aura un d'autres, il y aura un avenant 7. Ce qui est important, c'est ce qu'il contient, et quelles sont, pourquoi on les fait, et quelles sont les répercussions financières. Donc là, sur l'avenant numéro 5, je pense qu'on est tous d'accord que rendre les deux chaudières autonomes, c'est plutôt une bonne idée. On pourrait dire non. Je pense qu'il faut le faire. Donc ça, c'est les 400 000 euros, et ça n'apporte pas beaucoup de débat. Je pense qu'autour de la commission, on est tous d'accord pour avancer dans ce sens-là. Maintenant, après, sur la sécurité, on peut l'ignorer aussi. Mais s'il y avait un incendie quelconque, mal détecté ou mal éteint, et qui mettrait à mal tout ce système-là, qui est quand même hyper important pour la ville, je pense que vous diriez aussi que nous sommes totalement irresponsables. Donc, et si à l'époque, on l'avait inclus dans le contrat, de toute manière, la note aurait été plus salée, et d'une manière ou d'une autre, il faut à un moment le faire financer. Donc, de toute manière, ce débat, on l'aurait eu il y a 2 ans. Donc là, aujourd'hui, il est sur la table. Est-ce qu'il faut rendre les deux chaudières autonomes? Je pense que oui. Est-ce qu'il faut moderniser la chaufferie, la rendre plus sûre? Je pense que oui. Encore une fois, on a fait des réunions publiques, monsieur le maire et moi. J'étais très étonné et à la fois très fier qu'on porte une chaufferie. Je vois que les bagnoletaises et les bagnoletaises sont très attachées à ce système de chauffage. Il y en a de plus en plus qui veulent s'y raccorder. En fait, il faudrait même peut-être faire d'autres avenants pour encore le rendre accessible à plus de population sur la ville. Parce qu'en fait, il y a des gens dans le nord de Bagnolet qui n'ont pas accès. Et c'est pareil pour le sud de Bagnolet. Donc, si vous voulez, si on veut répondre à cette demande, il y aura peut-être un avenant 6 et un avenant 7 pour dire on le déploie davantage. Donc, vous voyez, ce n'est pas le nombre d'avenants qui est important, c'est ce qu'on y met. Et je pense qu'effectivement, l'autonomie des chaudières, c'est important, et la sécurité aussi. J'ai un dernier Merci. Point. J'avais. Tu es, Jean-Claude ? Non, il me semble qu'au passage, le délégataire en a profité pour modifier ou augmenter les tarifs des raccordements au réseau. J'ai mal compris, ou c'est un peu ça ? Est-ce que qui constitue des recettes ? Pour les délégataires. J'ai l'impression que les frais de raccordement ont été réévalués, réajustés, comme on dit pudiquement, mais disons, augmentent. On l'a pas évoqué lors de la commission. Non, mais c'est dans l'avenant. C'est un peu caché, mais c'est dans l'avenant. Oui, c'est. Moi, je l'ai vu. J'étais pas à la commission, mais j'ai lu le dossier. Je l'ai vu dans le dossier. Et juste avant de laisser la parole, vous avez raison. En fait, ce qu'il faut constater, c'est que lors du précédent mandat, il y a eu énormément de pépins sur ce réseau-là. Et les bagnoletaises et les bagnoletais n'avaient pas d'eau chaude et s'exprimaient de façon tout à fait légitime, exprimaient leur colère, parce qu'en plein hiver, ne pas avoir d'eau chaude, c'est quand même la cata totale. Force est de constater qu'on a fait passer des avenants, alors le 3, le 4, etc. Mais aujourd'hui, et vous l'avez justement souligné, il y a beaucoup moins d'incidents, donc tant mieux. Ça veut dire qu'en fait, pour le coup, les avenants ont fonctionné et on a bien fait de les prolonger. Et souvent, les incidents qui ont lieu, parce que ça arrivera de nouveau cet hiver, mais très souvent, c'est plutôt le réseau secondaire, et je loue votre honnêteté là-dessus. Jean-Claude Oliva. Oui, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Deux observations sur cet avenant. La première, c'est que les travaux proposés, effectivement, me semblent utiles. C'est l'amélioration de la sécurité, c'est bien. Y compris l'estimation du montant ne me semble pas excessive. On peut cependant regretter que dans la convention, il n'y ait pas de descriptif précis des travaux. Voilà, il y a deux grandes cases avec deux montants globaux. Ça mériterait quand même, vu les montants, ça mériterait un détail plus important, un descriptif précis de ces travaux. La deuxième observation, effectivement, ça a été un peu dit sur le financement des travaux. Effectivement, ça va se répercuter sur la facture des usagers, ça va se répercuter sur l'amortissement. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça revalorise l'amortissement au bout de, en 2039, pour ceux qui arriveront en 2039, qui seront aux manettes en 2039. Ça a une conséquence, en fait, c'est que ça rend plus difficile encore le changement de délégataire ou le retour en régie à ce moment-là. Parce qu'en fait, la note s'allonge pour une éventuelle sortie de la DSP. Donc voilà, ça, c'est pas un facteur tellement positif. Et de la DSP, c'est la délégation de service public. Et voilà, je pense qu'il faut considérer aussi que la SDCB Voilà, c'est pas la petite entreprise locale, c'est une grande multinationale, c'est Engie Suez. Et en fait, cette technique, et là je suis un petit bémol avec Cédric, cette technique des avenants, elle est couramment pratiquée par les multinationales, ils reviennent tout le temps avec des avenants. Ici, ils font signer aux collectivités des contrats assez avantageux, et puis ils reviennent tout le temps avec des avenants pour petit à petit regrignoter et retrouver de nouveaux avantages. Et on peut se demander si ce genre de travaux ne devrait pas être compris dans les travaux de gros entretiens, renouvellement du contrat. Bon, bah, bien évidemment, nous serons vigilants. Et avant de donner la parole à Angeline Desportilly, j'ai peut-être oublié quand même le principal, c'est le résultat quand même de la commission. Sincèrement, je ne sais plus ce que tu as voté, mais je crois qu'on était tous favorables. Je suis abstenue. Tu t'es abstenue. Bon, alors, les élus qui étaient présents se sont votés de façon favorable, sauf Angeline qui s'est abstenue. Allez. Oui, non, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Bien sûr, ces travaux, il faut les faire. Des travaux de sécurisation, on stocke du bois. Évidemment qu'il faut prendre toutes les mesures indispensables pour éviter des départs de feu. Il n'y a absolument pas de sujet là-dessus, mais je souscris totalement à ce que vient de dire Jean-Claude, c'est que on a quand même affaire à Engie, hein, c'est pas une entreprise philanthropique avec un résultat d'exploitation en 2022 ou 2023. En 2022, on n'a pas eu le rapport 2023. Je ne sais plus c'est combien de chiffre d'affaires, mais enfin bon, c'est évidemment, je ne vais pas dire de bêtises, je ne sais plus, allez, plusieurs millions d'euros, peut-être c'est 11 millions, et puis un résultat d'exploitation d'un million, ou un million et demi, je ne sais plus précisément. Mais donc une entreprise qui réalise des bénéfices, pour parler dans un langage, qui marge, hein, avec un tarif du mégawatt-heure qui est important, et puis évidemment qui s'est envolé. Et pourquoi ils demandent ces travaux? Parce qu'en 2022, les deux chaudières, où le système d'alimentation est tombé en rade, et il y a eu un arrêt, donc évidemment il y a eu les usagers, enfin les habitants, les bagnoletas ont eu froid, super froid, mais après ils ont dû acheter du gaz et c'était déjà une période où le coût des tarifs du gaz s'envolait. Donc il y a derrière évidemment, il ne faut pas minimiser les objectifs, les arrière-pensées financières du délégataire. C'est pour ça que après ce réseau de chaleur, il est formidable. Je comprends que tout le monde veuille s'y raccorder. Mais il ne faut pas être ni dupe ni naïf des intentions d'Engie. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on vous rejoint sur cette analyse. Effectivement, on a une grande société capitaliste en face de nous. Ça, c'est évident. Donc le but du jeu, c'est d'être vigilant. C'est pour ça qu'on se fait accompagner par un expert. Je pense que tu as pu lui poser toutes les questions qu'il fallait. Je pense que c'est peut-être utile aussi peut-être de le revoir lors d'une réunion en dehors de la commission, parce que c'est un sujet qui nous touche tous. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir un peu plus de temps, plutôt qu'un soir, lors d'une commission, peut-être faire une réunion avec lui pour poser davantage de questions. Ça ne me paraît pas idiot. Ça va dans le bon sens, en tout cas dans le sens de plus de transparence. Et puis aussi pour s'armer tous ensemble, opposition comme majorité, pour pouvoir tout simplement faire face à une société capitaliste qui est là pour faire des bénéfices. Et effectivement, on est là pour représenter la municipalité, pour représenter l'ensemble des habitants. Donc on est vigilant, on peut être vigilant tous ensemble. Et encore une fois, on se fait accompagner par un expert depuis 6 mois. Et c'est bien, parce que ce sont des sujets extrêmement complexes et on n'a pas toutes les réponses, nous, en tant qu'élus. Non, jamais. Oui, je veux dire un petit mot, parce que c'est vrai que cette histoire du chauffage urbain est un enjeu local, quasiment historique, parce que ça a été un débat pendant des années. Je crois que la volonté des élus à l'époque, c'était de sortir des toutes petites cheminées par-ci, par-là. C'était d'abord un enjeu écologique, et puis c'était aussi un enjeu économique, faisant en sorte que les gens pouvaient se chauffer à un coût plus faible, quoi. Alors, il y a eu des vicissitudes, il y a eu beaucoup de choses. On a quand même compris, il y a eu des élus, nombreuses années, je pense que Tony Martino s'en souvient, qui se sont battus contre le chauffage urbain, qui même, y compris, ont fait sortir des copropriétés du chauffage urbain. Et ce qui s'est avéré, c'est que, évidemment, ces gens, après l'avoir fait, ont On fait subir des augmentations très fortes sur de nombreuses années avec le gaz, avec des situations extrêmement difficiles. Donc voilà, je pense qu'on a, et moi je m'en réjouis, même si effectivement ça a des fois même y compris un débat entre nous difficile, mais on a un outil entre les mains et moi je souscris à la réflexion de Jean-Claude, parce que voilà, on a un outil d'aménagement, y compris... dans une vie passée, on avait voulu, on l'a même mis la question du chauffage urbain dans le PLU, parce que en l'occurrence, là aussi, c'est à la fois toujours une question économique et écologique, pour que plus de gens se raccordent. Et c'est aussi là une des pistes sur lesquelles on doit appuyer. Mais on doit aussi continuer à réfléchir sur la question de cette gestion, sur le contrôle. Moi, je suis content qu'il y ait maintenant un cabinet. Ça aussi, ça a été un débat un peu entre nous, mais moi, je suis content qu'il y ait un cabinet qui aide, parce que ces entreprises, ces grosses boîtes, elles ont des moyens très forts pour dissimuler beaucoup de choses, et on n'est pas toujours armé face à elles. Et c'est déjà un premier pas positif. Je crois que ce n'est pas la première année, c'est pas la première fois, mais moi, j'étais souvent intervenu sur ce sujet, d'avoir des gens avec lesquels on peut travailler, que les services de la ville, les élus puissent travailler pour, dans le bras de fer qu'on peut avoir de temps en temps avec ces multinationales. Et la deuxième chose, effectivement, il y a du temps. Il y a eu une réflexion qui a été menée Est Ensemble, qui a été menée à bout. Et ce n'est pas en soi insupportable de penser qu'on peut, là aussi, changer de système. Très bien. Je propose qu'on ait cette réunion avec le prestataire et les élus volontaires. On vous proposera deux ou trois dates et pour avoir un débat, les explications que vous souhaitez avoir. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération suivante : adhésion au CIFUREP de la commune de Chartrette à la compétence service extérieur des pompes funèbres. Ce que ça s'appelle les observations. Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient, c'est approuvé. Même délibération pour la commune de Cergy. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération suivante. Modification tarifaire de la salle des familles du château de l'Étang. Est-ce que ça appelle des observations, Monsieur Stalent? Non, simplement deux remarques très rapides. La première, je souligne le fait que vous n'ayez pas augmenté le tarif cette année, malgré peut-être l'inflation des coûts de l'énergie, qui aurait pu avoir un impact peut-être sur cette mise à disposition. Deuxième remarque, pourquoi avoir un tarif peut-être plus prohibitif pour les gens de l'extérieur à la ville? Je pense que 300 euros, c'est un prix très très intéressant, ce qui donne peut-être envie aux gens en périphérie de la ville de prendre de cette location, et ça prioriserait peut-être plus naturellement les bagnoletais. En ayant peut-être un tarif, alors maintenant il est à étudier, mais 300 euros pour louer une salle dans cette situation, avec ce confort et le cadre qu'on connaît tous, c'est pas cher. Je pense que voilà, peut-être une moyenne de levier double pour peut-être. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux, on peut regarder ça. Après, le truc, c'est que lorsque, par exemple, deux familles différentes, une de Bagnolet, une d'extérieure, candidate sur ou dépose un dossier pour le même jour, on priorise la famille bagnoletaise. Mais c'est vrai qu'on peut avoir un tarif encore plus prohibitif. On peut le faire. Je ne vois pas d'obstacle particulier. On peut travailler là-dessus. Ça donne un peu de travail à Mme Philo pour, dans la perspective budgétaire, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres observations? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération suivante. Décision modificative numéro 1. Donc, quelques mots d'introduction concernant cette décision budgétaire modificative numéro 1 qu'il vous est proposé d'approuver ce soir. Il s'agit principalement, côté recettes, de prendre acte des notifications relatives aux subventions de l'État, tant qu'il en reste, pour l'année 2024, et des subventions perçues au titre de l'année en cours. En effet, vous le savez, la méthodologie est retenue pour l'élaboration du budget primitif, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, nous conduit à faire preuve d'une grande prudence dans les recettes que nous inscrivons. Seules les recettes certaines, avec notification, sont inscrites au stade de l'élaboration du budget. Je pense que c'est normal, mais c'est bien de le rappeler. Ce sont donc plus de 2 millions d'euros de recettes d'investissement et 1,3 million d'euros en fonctionnement que nous vous proposons d'ajouter au budget 2024. À noter également, nous intégrons la recette de la cession de l'immeuble du 9-13 Marianne-Colombier pour un montant de 950 000 euros, délibération qui a été adoptée au Conseil municipal de juillet. Côté dépenses, il s'agit principalement d'ajustements permettant de prendre en compte le degré d'avancement des projets ou d'inscrire des projets dont nous avions conditionné la réalisation à l'obtention de subventions. C'est précisément la raison pour laquelle nous proposons d'inscrire en investissement 250 000 euros supplémentaires pour les travaux de voirie. La reconstitution progressive d'une équipe opérationnelle au sein de la direction de la voirie a permis d'intensifier les interventions courantes sur la voirie communale. L'ajout de crédits supplémentaires permettra de poursuivre les travaux nécessaires. Chacun sait combien, et on a l'occasion de souvent de délibérer pour des remboursements. Il nous reste beaucoup à faire en la matière. De même, concernant les crédits supplémentaires de pêche d'or, nous vous proposons d'ajuster à la hausse les dépenses nécessaires qui prennent en compte l'état d'avancement des travaux et des travaux qui avancent de manière très importante. Il me semble par ailleurs important de souligner que certaines lignes budgétaires ne sont pas abondées dans cette décision modificative. Il paraît utile également de le dire à ce stade de l'année. C'est notamment le cas du chapitre 12 qui fait l'objet de beaucoup d'attention lors du vote du budget primitif. Il s'agit des charges de personnel qui, traditionnellement, dans beaucoup de villes, y compris à Bagnolet, les années précédentes, nécessitent une augmentation à la rentrée scolaire. Nous espérons que nous pourrons terminer l'année telle qu'elle est engagée à ce stade, c'est-à-dire sans inscription supplémentaire en décision budgétaire modificative en décembre. Nous aurons une dernière décision modificative budgétaire en décembre pour permettre de terminer l'année. Donc voilà les éléments d'introduction que je souhaitais vous communiquer ce soir. S'il y a des observations, des remarques, Hamid Chahir. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais tout d'abord remercier les services pour les éclaircissements et réponses apportées sur les décisions modificatives qui présentent des ajustements sur les dépenses et les recettes, aussi bien dans les sections d'investissement que de fonctionnement. Donc, ces ajustements montrent des efforts pour rééquilibrer les finances de la ville, bien évidemment tout en intégrant des imprévus, des projets nouveaux, des ajustements basés sur des réalités budgétaires. Et je voudrais ensuite partager quelques observations avec vous, mes chers collègues. Sur les dépenses d'investissement, sur le chapitre 10, la dette moins 100 000 euros, donc j'ai vu qu'il s'agit d'une anticipation de remboursement, dont je m'en réjouis, donc ça c'est une très bonne chose. Dans le chapitre 21, environnement pour plus de 134 000 euros, ces projets avaient été retirés du projet de budget pour être ajoutés en cours d'année en décision modificative sous réserve d'obtentions de financement extérieur qui ont donc été obtenues, si je comprends bien. On peut toutefois se demander s'ils n'auraient pas pu être intégrés directement au budget. Sur les travaux de voirie, plus de 250 000 euros, vu que vous en avez parlé, ce budget supplémentaire alloué aux travaux de voirie est conséquent, comme je l'avais stipulé. Cela provient, je pense, du renforcement du personnel avec l'arrivée du nouveau directeur et d'un technicien après une longue période d'effectifs et d'activité réduit au minimum. Cela répond aux demandes de la population que nous avons relayées. Ouais. Concernant la vidéoprotection, plus de 50 000 euros, je trouve qu'il s'agit d'investissements liés à la maintenance du réseau, là aussi déjà évoqué en conférence budgétaire. C'est donc là aussi quelque chose de complètement prévisible puisqu'il s'agit de maintenance, qui aurait donc pu être intégré au budget. Cela s'ajoute à des dépenses importantes concernant la vidéosurveillance depuis le début du mandat. Certes, tout cela est pour partie subventionné par l'État. Notre groupe souhaite qu'une évaluation annuelle de l'efficacité des dispositifs de sécurité soit effectuée. Et nous souhaitons aussi que soient envisagées des mesures alternatives ou complémentaires à la vidéoprotection, comme une présence humaine, par exemple, renforcer ou des actions de prévention sur le terrain. Concernant le chapitre 23, projet de l'école pêche d'or, plus de 1 780 000 euros. Cette majoration très significative répond bien évidemment à l'avance plus rapide que prévu des travaux, donc je m'en réjouis. Cela réduira d'autant la somme à dépenser en 2025, une très bonne chose, Cependant, comme l'a stipulé la directrice des finances, une bonne partie du prêt des 4,4 millions d'euros va servir à financer la petite école Pêche d'Or, ce qui laisse vraiment très peu de marge pour le reste. Concernant la section, concernant les recettes d'investissement, dans le chapitre 10, la taxe d'aménagement, pour 742 000 euros en moyenne, je trouve que la hausse de la taxe d'aménagement depuis 742 000 euros semble significative. Cela nécessite d'anticiper les fluctuations de cette taxe dans les années à venir, sachant qu'on l'aperçoit qu'une seule fois. Dans le chapitre 24, cession d'immobilisation, plus d'1 million 43 000 euros. Les cessions de biens immobiliers, comme d'habitude, représentent une part très importante des recettes. Donc ça, on peut le constater. Hein. Donc, sur les dépenses de fonctionnement, pour plus d'1 million 386 000 euros, sur le chapitre 11, entre égalité hommes-femmes, informatique et logistique. Donc les formations proposées par la collectivité correspondent aux besoins exprimés par les agents et identifiés par les hiérarchies et font l'objet d'une certification. Donc c'est une bonne chose. Concernant les frais de communication téléphonique prévus au budget primitif pour 2024, on a pu constater qu'ils sont déjà réalisés pour 96%. Donc une telle augmentation des coûts de communication en si peu de temps, je trouve que c'est notable. Il faudrait peut-être envisager une révision des contrats de téléphonie pour obtenir des économies à long terme et peut-être envisager une migration, comme je l'avais stipulé, vers des solutions de téléphonie basées sur le cloud, par exemple, pour réduire un peu les coûts qui sont récurrents, en fait. Donc, ça serait intéressant. Concernant le chapitre 11, sur les dépenses de fonctionnement, concernant la commission d'emprunt pour Collecticity et Ressources, concernant cet emprunt, le paiement de cette somme est lié à l'emprunt de 4,4 millions d'euros pour financer certains projets municipaux. Donc, c'est très intéressant. Donc, cette offre a l'avantage de comporter, comme vous l'avez dit, 3 années blanches, les années de remboursement des emprunts in fine. Donc, il s'agit là d'un emprunt quand même de 4,4 millions d'euros d'une durée de 20 ans, quand même à un taux à 4,45 avec les intérêts. Donc, le montant réglé au bout de 20 ans sera de 6 398 911 euros et 26 000 euros de commission. Donc, mes observations concernant cet emprunt visent surtout à obtenir des clarifications sur les priorités budgétaires et l'impact financier à long terme des décisions prises pour notre ville. Donc, en résumé, il apparaît bien que nous ayons réalisé des investissements nécessaires, ce qui est important, pour le développement de notre ville, qu'on aime tous. Mais nous continuons à vendre des biens communaux significatifs pour financer des projets. Pour moi, cette approche elle soulève des questions sur la durabilité de notre patrimoine et notre capacité à maintenir un équilibre financier sur le long terme. Parce que moi, je dirais que je vous dis sincèrement, je vise toujours sur du long terme. Hein. C'est, malheureusement, en politique nationale, c'est sur du court terme. Hein. On le voit Macron ce qu'il fait, hein. Avec 1 000 milliards de dettes en moins de 7 ans. C'est compliqué. Donc, de plus, je suis préoccupé par l'augmentation continue des dépenses de fonctionnement. Donc, moi, je souhaite ajouter, tout à l'heure j'en parlais, qu'il aura fallu quand même des temps d'incertitude. Et on a constaté qu'il fallait 51 jours au président de la République pour trouver un Premier ministre. Et l'ampleur de sa tâche va être titanesque, tant le pays a été laissé en jachère depuis de nombreuses années. Et tous les voyants sont au rouge avec une dette stratosphérique et rappelons qu'elle est actuellement de 46 783 par habitant contre seulement 36 000 en 2016. Et avec un déficit de l'État de 144 milliards d'euros pour le budget 2024. Et donc, devrons-nous de facto réduire les dépenses? Ils vont par déduction, il n'y a pas de mystère pour ça. Je suis sûr que les dotations de l'État versées aux collectivités locales figurent en pole position pour des pistes d'économie. Et donc, les années à venir seront très difficiles pour les collectivités, car les dotations vont baisser à coup sûr. Donc, comme je l'avais dit il y a un peu de temps, les taux vont augmenter. Certains vont rayonner. Aujourd'hui, on a pratiquement 4,40 de taux pour des crédits, versus il y a 4 ans, on était à 1%. Donc, c'est pour cela qu'une municipalité doit se constituer au fil des années une réserve financière pour les temps difficiles. Et de crise, et plus dure sera la chute pour les communes qui auront été moins prévoyantes et plus amères sera la pilule pour les administrés. Moi, je pense aussi aux administrés, bien évidemment. Donc, nous devons envisager des solutions alternatives, comme je l'avais précisé, afin d'optimiser nos ressources, et sans compromettre, bien évidemment, la qualité des services aux citoyens, ce qui est très important pour notre chère ville. Donc, Moi, j'avais proposé, bien évidemment, d'optimiser nos ressources en examinant les lignes budgétaires, en identifiant des économies possibles en fonctionnement et en investissement, accroître les recettes via des partenaires publics pour financer des projets d'infrastructures sans compromettre notre patrimoine communal, une revitalisation des actifs immobilisés. Donc moi, comme j'ai toujours dit, c'est un peu mon... Au lieu de céder des biens et faire des ventes exceptionnelles, comme j'appelle ça du one shot, on pourrait peut-être envisager leur raréfaction et leur revalorisation à travers des baux commerciaux, comme j'avais précisé, ou des projets d'aménagement qui garantiraient un revenu à long terme, et surtout un renforcement de la communication avec nos citoyens. Donc il serait bénéfique d'initier un dialogue renforcé avec les habitants sur les enjeux financiers de la ville, ainsi que sur la dette, sur les différents prêts contractés, tels que le prêt in fine. Parce que moi, j'aime bien les prêts in fine, c'est important. Puisque quand on voit qu'avec la Deutsche Bank, les négociations, malheureusement, n'ont pas abouti, et à laquelle il faudra bien rembourser la bagatelle somme de plus de 29 millions d'euros, donc bon, un refinancement bancaire restant hypothétique, donc ça va être même très, très compliqué, vu que je suis dans le milieu. Mais bon, c'est déjà une bonne chose qu'à partir de 2025, qu'on puisse mettre déjà de côté 1,5 million d'euros qui vont être prévisionnés afin de rembourser l'emprunt d'ici 2031. Mais c'est une chose qu'il aurait dû le faire dès le début de la mandature et ainsi reprendre le rapport de la Cour des comptes qui disait qu'il fallait mettre en moyenne plus de 350 000 euros par an. Mais bon, je m'en réjouis que déjà c'est une bonne chose que ça ait été fait. Merci. Quelques remarques. Merci Anne-Claire, directrice des finances, d'avoir éclairé l'intervention de notre collègue. Quelques remarques sur... J'avoue que je n'ai pas bien compris la remarque sur la taxe d'aménagement. Je rappelle que l'on nous a reproché, c'était en l'occurrence notamment Jean-Claude par le passé, et d'autres, de bâtir nos budgets, d'équilibrer nos budgets avec des recettes de taxes d'aménagement prévisionnelles qui n'arrivaient pas forcément et qui étaient des recettes one-shot. C'est le reproche qui nous a été fait à plusieurs reprises, et on peut l'entendre. Donc en fait, on a procédé différemment. Aujourd'hui, on est extrêmement prudent lorsqu'on inscrit une recette de taxes d'aménagement au budget primitif, ce qui amène à inscrire une recette complémentaire en décision budgétaire modificative. C'est le règne de la prudence, et c'est exactement l'inverse de ce que tu viens de dire, mais on a suivi les conseils de Jean-Claude et de M. Vionnel. En l'occurrence, c'est vrai. Voilà. Donc, quand on change de méthode, on change de méthode, mais encore faut-il s'en rendre compte. Sur les services publics, je pense qu'effectivement, il faut maintenir les services publics. Il a échappé à personne que, malheureusement, sous d'autres gouvernements de gauche qui étaient de ma couleur politique, de celle de Bernard Cazeneuve, voire d'autres, malheureusement, on a perdu 6 à 7 millions de recettes de DGF. Voilà, on a eu l'occasion de vous manifester en cette période-là par des vœux au conseil municipal. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc, effectivement, il faut à la fois maintenir le service public, continuer à faire des économies, et effectivement, on va essayer de faire encore des économies, mais à un moment donné, les économies, je pense que le gouvernement va les faire pour nous. Je rappelle juste qu'il y a maintenant 3 ans, les précédents gouvernements avaient mis en place ce qu'ils appelaient un contrat avec les collectivités locales d'un certain niveau et qui avait un certain niveau d'endettement et où l'évolution de dépenses de fonctionnement était encadrée. Tout ça a été abandonné il y a 2 ans, mais les dispositifs existent. Donc celui qui met en place ce nouveau contrat participatif, ils l'appelleront comme ils le souhaitent, ou qu'il diminue les dotations de fonctionnement ou d'autres dotations. Et je pense qu'il sera extrêmement difficile de maintenir les deux bouts, mais on continuera à se défendre. Sur Pêche d'Or, j'ai pas bien compris non plus, mais voilà, Pêche d'Or avance, le calendrier est tenu, et effectivement, on rajoute des crédits parce qu'on a été échaudé par le passé. Enfin, je rappelle qu'il y a deux entreprises qui ont été défaillantes sur ce projet et que Spi-Batignolles ou Tarex a repris le projet Pêche d'Or il y a maintenant 1 an et que lorsque Spi-Batignolles ou Tarex a repris le projet, il n'y avait pas de garantie que le calendrier soit tenu. Aujourd'hui, le calendrier est tenu, il est bien tenu. Et donc, on a été prudent au BP. On rajoute des dépenses en décision budgétaire modificative. L'emprunt permet de financer l'investissement. Je pense qu'il n'y a rien de plus normal en la matière. Et quant à la dette, c'est la deuxième année consécutive. On emprunte moins chaque année. Ce n'est pas encore suffisant, mais on emprunte moins chaque année. Donc, c'est toujours... C'est plutôt positif. On a emprunté cette année, on avait plus de partenaires potentiels que les autres années. Je rappelle, pour ceux qui j'aime à rappeler que jusqu'en 2017, on n'avait aucun partenaire bancaire qui souhaitait prêter à la ville de Bagnolet compte tenu de la situation de la ville. Bon là, voilà, donc les prêts, le prêt est ce qu'il est, c'est le meilleur qu'on pouvait trouver. Il n'est pas... idéal, on ne va pas dire qu'il est idéal, mais il existe et lorsqu'on construit un budget, on est toujours extrêmement prudent en la matière et le cadencement du remboursement fera en sorte qu'on ne viendra pas toucher aux années où on rembourse l'emprunt in fine de la Deutsche Bank. Voilà ce que je pouvais dire de manière globale. Ensuite, sur la vente des biens communaux, je prends bonne note que tu préconises de ne pas vendre des biens communaux. Moi, j'aimerais que tu viennes me dire comment on recherche des recettes. Hamid, c'est ta délégation. Je t'assure que les services municipaux sont à ta disposition pour avancer sur le sujet. Mais moi, j'avais cru comprendre qu'il fallait plutôt vendre les biens communaux dont on n'avait pas besoin. Ça a toujours été ce qui a été préconisé jusqu'ici. Effectivement, on ne vend qu'une fois. Mais mieux vaut vendre une fois que ne vendre jamais et d'avoir un terrain qui ne sert à rien, je pense. Voilà. Voilà. Caline. Oui, moi, je voudrais vous expliquer. Hamid mentionnait une augmentation de dépenses tout en ne la critiquant pas, en la saluant pour l'égalité femmes-hommes de 9 000 euros, que vous pouvez voir page 158. En fait, pour vous expliquer, ce n'est pas une dépense supplémentaire. On est scrupuleusement resté dans le budget. C'est de l'argent qu'on avait... utiliser des finances en attendant une des subventions du FPE dont je vous avais parlé au dernier conseil municipal. Et donc, en fait, on rend maintenant à la ville ces 9 000 euros. Voilà. Merci, Caline. Angine et monsieur. Moi, j'ai juste une question en lien avec mon intervention précédente. À quoi correspond le coût de 22 275 euros pour une délégation de service public pour la gestion d'une centrale biomasse. Pardon. Je n'ai pas entendu. Ah, c'est ça. J'ai pas entendu. C'est ce qu'on a voté tout à l'heure. Ce qu'on a voté ? C'était la délibération précédente. Oui, donc là, on est appelé à examiner une décision modificative qui est globalement dans l'épure du budget, ce qui est normal. Donc, notre groupe qui avait voté contre le budget se prononcera également contre. Bon, on a globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que notre collègue Hamid a fait une intervention assez détaillée. Bon, bah, comme toujours, dans une décision modificative, il y a un certain nombre de dépenses en plus. Il y a quelques petites recettes de subventions ou des recettes diverses qui entrent en plus. Voilà des choses relativement classiques. Je peux partager ce qui a été dit, c'est-à-dire je pense qu'on est tous inquiets sur l'avenir des dotations de l'État. Par contre, on peut peut-être temporairement, collectivement noter, parce que c'était déjà le cas dans le budget et dans le précédent, si mes souvenirs sont bons, qu'après une longue période où les dotations de l'État a baissé, elles se sont mises à remonter un peu, et c'est ce qu'exprime aussi cette décision modificative, puisqu'il y a un peu plus de 400 000 euros supplémentaires de dotation de l'État, dont notamment une évolution significative de la dotation de solidarité urbaine. Bon, on peut craindre que ça ne soit pas durable, mais prenons pendant que c'est le cas. Alors moi, j'avais quand même quelques remarques, parce que cette décision modificative permet de voir quelques points. Bon, d'abord, un petit étonnement, on en a parlé en commission, sur la question de la taxe de séjour, puisque alors, c'est neutre budgétairement, puisque on collecte en plus, puisque donc, comme chacun sait, la ville a institué, ça date déjà du maire précédent, une taxe de séjour qui vise les séjours hôteliers, qui est devenue une recette d'ailleurs non négligeable pour la ville. Et là, il y en a une part qui se prélève pour le compte de la région et du département et qu'on leur reverse, et ce qui n'était pas fait jusqu'à présent. Donc, c'est neutre. Alors, vous m'avez répondu en commission que le département et la région ne l'ont jamais réclamé. Bon, ce qui est signe qu'ils n'étaient pas très rigoureux dans cette affaire-là, mais c'est vrai que je suis quand même un peu étonné que la ville non plus, depuis des années, s'en soit pas rendu compte. Mais bon, dont acte. Sinon, on retrouve dans cette décision modificative un élément sur lequel je ne reviens pas, parce qu'on l'a évoqué au dernier conseil municipal, c'est le fait qu'il y a une dépense de prestation de service pour la gestion des permis de construire. Bon, j'y reviens pas parce que j'ai eu l'occasion d'en parler la dernière fois. Bon, c'est quand même une situation un peu troublante en termes d'anticipation par la ville qu'elle doit faire appel sur quand même une de ses missions de base à une prestation de service en attente de recrutement. Ensuite, moi, il y a deux questions quand même que je voulais soulever. On a eu l'occasion d'en échanger en commission 1. La première question, c'est la question des véhicules, puisque c'est à la fois une question financière, mais c'est aussi une question de décarbonation. Puisque là, dans la décision modificative, il y a une petite recette de vente aux enchères de vieux véhicules, et puis il y a une dépense de location de 12 000 euros par mois. Donc c'est pas une dépense totalement négligeable quand même, hein, parce que quand on multiplie sur une année 12 000 euros par mois, c'est pas tout à fait rien. Dans l'attente de l'achat de nouveaux véhicules, c'est vrai que là, la question que ça me pose, c'est qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler en conseil municipal. Vous m'avez déjà dit, monsieur le maire, il y a fort longtemps, que effectivement c'était un sujet sur lequel il convenait de travailler et de revenir. Vous m'avez dit en commission, si mes souvenirs sont bons, je parle sous votre contrôle, que vous feriez bientôt un point, que vous proposiez de faire un point sur le garage municipal. Voilà, je pense que c'est quand même nécessaire de le faire, parce que c'est un sujet, comme je l'ai dit, c'est un sujet écologique, parce qu'on avait quand même beaucoup de véhicules polluants. C'est un sujet économique. On est tout de même dans une commune de première couronne bien desservie par les transports en commun. On est dans une commune qui est relativement petite en superficie, donc où les distances peuvent se faire assez facilement. Et c'est vrai que beaucoup de communes de première couronne ont drastiquement réduit leur parc automobile. Et là, on voit des choses par un petit bout, des dépenses de location, etc. Mais sans que, je ne sais pas si c'est le cas aussi des collègues de la majorité, mais en tout cas, nous, élus de l'opposition, n'avons pas de vision globale sur l'évolution de ce parc automobile. Et puis, dernier sujet, mais c'est quand même le plus important, c'est la question dans cette décision modificative figure un nouvel emprunt de 4,4 millions. Alors certes, vous nous dites que c'est un peu moins que les années précédentes, mais c'est tout de même dans une ville, on ne va pas refaire ce qu'on se dit à chaque fois en débat d'orientation budgétaire et en budget, dans une ville qui est déjà dramatiquement endettée et qui, comme l'a dit notre collègue Hamid, va en plus devoir faire face sous peu au prêt in fine de la Deutsche Bank que vous avez contracté. On continue d'alléger le poids de la dette. Je suis un peu étonné de ce que vous venez de nous dire, parce que, ou alors c'est moi qui n'ai pas compris ce qui s'est dit en commission, parce que vous venez de nous dire on a un peu plus de propositions bancaires. Or, sauf à ce que je n'ai rien compris, ce qui peut m'arriver, j'ai vu que ce n'était pas un prêt qui était contracté auprès d'une banque, comme classiquement les collectivités le font. Je crois même me souvenir qu'à la question, justement, on avait posé des questions dans ce sens-là, Mitchaïr et moi, vous avez répondu qu'aucune banque, si j'ai bien entendu, n'avait voulu faire ce prêt à la ville, et que c'est pour ça que la ville était passée par un courtier, donc ce qui déclenche d'ailleurs une petite dépense complémentaire, parce que si mes souvenirs sont bons, là j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais il doit y avoir 26 000 euros ou quelque chose comme ça d'honoraires du courtier. Et du coup, là, je vous ai entendu dire que tout allait bien, Madame la Marquise, au sens où il y avait plus de réponses que d'habitude. Pour autant, j'ai cru entendre en commission qu'aucune banque n'avait voulu suivre et qu'on devait aller chercher un courtier pour trouver un prêteur sur le marché obligataire, si j'ai bien compris. Donc moi, sauf à ce que j'ai mal compris, je vous laisserai me répondre. On parle de partenaires financiers, effectivement, on parle de partenaires financiers, mais je vais vous relire ce que j'ai eu l'occasion également d'écrire à M. Chahir, et qui a écrit aujourd'hui, alors nous avons lancé un appel d'offres auprès de 35 banques. Nous avons contacté plusieurs banques directement. La direction des finances a eu plusieurs échanges qui ont permis d'aller jusqu'au premier comité de sélection de la Banque des Territoires et de la Banque Postale. Pour la première année également, nous nous sommes inscrits sur la plateforme gratuite Loanbox. À la fin des négociations, nous avions 6 offres venant de 3 organismes différents, 1 via Loanbox, 2 via GFI et 2 via Collecticity, qui était la plus intéressante. Voilà, donc il y a effectivement une amélioration par rapport aux années précédentes. Tout ne va pas bien, Madame la Marquise. Je veux dire, ce serait complètement démagogique de dire cela, mais en fait, ça ne va pas plus mal. Et c'est ce que nous a expliqué la préfecture lorsque j'ai été reçu le mois dernier dans le cadre du réseau d'alerte. C'est qu'à un moment donné, la situation de ville en Seine-Saint-Denis s'est détériorée, pas la nôtre. C'est détérioré à cause de la crise. Il y avait des villes qui rentrent dans le réseau d'alerte. Voilà. Bon, c'est pas idéal. La situation est difficile, mais moi, je préfère positiver. Chaque année, on emprunte moins. Voilà. Et ce sera le but qu'on se propose également l'an prochain, c'est d'augmenter, de diminuer notre empreinte, d'emprunter moins chaque année, chaque année, chaque année. Pour l'instant, ça fait 2 années de suite. On va pas crier cocorico, mais le travail se poursuit et il est plutôt positif, quoi. Voilà. Je veux dire, il y a des gens qui sont extrêmement surpris de ce qui se passe. Par exemple, un de vos amis, qui est un de mes anciens collègues conseiller municipal du quartier des Coutures, est extrêmement surpris que la ville emprunte moins cette année que l'année d'avant. Voilà. Mais bon, c'est anecdotique. Si, je vous assure. Je vous assure que oui. Mais voilà, le travail se poursuit. La situation de la ville reste tendue et il faut continuer à travailler. Sur les véhicules, quelques éléments. On crée un pool de véhicules. On rationalise ce qu'est la flotte auto et c'est le sens de ce qui apparaît dans la notice. Et on se sépare de 45 véhicules aujourd'hui, ce qui ramène une recette d'environ 50 000 euros. On n'a plus besoin de ces véhicules-là. Pourquoi on loue des véhicules ? On loue des véhicules parce que l'an dernier, nous avons conclu un marché avec l'UGAP et que l'UGAP a beaucoup de retard. Et donc, on ne travaillera plus avec l'UGAP, hein, mais comme beaucoup de collectivités passent par l'UGAP et il y a beaucoup de retard. Et les véhicules achetés arrivent au compte-gouttes, ce qui nous a amené à louer. Mais l'objectif, c'est à la fois de rationaliser le parc auto, de créer un pôle de véhicules et de le moderniser, le rendre plus écolo. Voilà. Mais la preuve, c'est qu'on se déleste de 45 véhicules dans le cadre de cette délibération. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Oui, j'étais à une phrase de... Vous m'avez interrompu, mais c'est pas grave. Ah, pardon. J'étais juste à une phrase de la fin de mon intervention. Donc, je prends note de votre réponse sur le parc automobile, mais malgré tout, du coup, j'en profite. Je maintiens que ça serait intéressant, parce que j'entends ce que vous dites, mais la vision globale sur quel était le parc automobile au début du mandat, quel est l'objectif visé, où en est-on aujourd'hui, etc., etc., je pense que ça, c'est quand même un sujet sur lequel il serait intéressant d'avoir une vision d'ensemble. Et puis, sur la question du prêt, bon, ben, je constate effectivement que vous êtes passé par un courtier. Moi, je me pose, et c'était la dernière chose que je vais me poser, je me pose toujours la question... sur ces prêts successifs chaque année, de quel investissement ils financent, puisque J'ai posé la question en commission, la directrice des finances m'a répondu pêche d'or. Pêche d'or est le seul, alors il y a d'autres petits investissements sur la voirie, mais pêche d'or est le seul gros investissement porté par la ville. Après les avanies que vous avez pu rappeler de faillite de deux entreprises aujourd'hui, le chantier avance, mais sous mes souvenirs sont bons, parce qu'on a ces débats sur le prêt, sur les prêts successifs de manière assez récurrente en conseil municipal. Il nous a déjà été répondu à plusieurs reprises que c'était pour pêche d'or. Je ne crois pas qu'on construise 10 écoles pêche d'or. Donc voilà, c'est la question que je me posais aussi. Ben, on ne finance pas que pêche d'or avec l'emprunt. L'emprunt finance la section d'investissement, on finance des dépenses de voirie. On en délibère ce soir plus de 630 000 euros sur le projet avec Montreuil, pris en partie par Montreuil, mais l'autre partie, c'est par Bagnolet. On a mis près d'un million d'euros dans les écoles. Donc, à un moment donné, l'emprunt finance aussi ce type de dépenses, mais ne finance pas que pêche d'or. D'autres remarques ? D'autres remarques ? Je propose de délibérer. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Réglementation de la location des touristiques. Instauration de l'obligation du numéro d'enregistrement adhésion au téléservice mutualisé. Déclaration proposée par Est Ensemble. Édouard de Noël. Ah, j'ai sauté le fonds d'utilisation du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France pour 2023, le rapport d'utilisation. Je pense que ce serait très utile, Amit, que tu te penches sur le rapport d'utilisation du FIC. C'est pleinement dans la délégation de recherche de financement. C'est très important. Est-ce que ça appelle des remarques ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Effectivement, j'ai la clecte. Rapport de la commission locale d'évaluation des charges territoriales. Est-ce que ça appelle des observations ? Ah, est-ce que vous me permettez, j'ai oublié tout à l'heure de faire une remarque sur la vidéoprotection. Donc effectivement, on est dans une logique de maintenance, c'est ce qui était dit dans la décision modificative. Et les services travaillent actuellement sur des questions techniques d'appel à des réseaux, à un réseau filaire, à des prestataires différents, ce qui fait que le travail n'est pas encore abouti. Voilà, ce qui explique pourquoi on a cette somme à ce stade de l'année. Parenthèse fermée, je vous prie de m'excuser. Donc, rapport de la CLECT, est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, apurement du compte 1069, après passage à la M57. Est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, exonération de la redevance d'occupation du domaine public dans le cadre de la construction de la piscine et de la salle des sports des Malassis. Est-ce que ça appelle des observations ? Pas d'observation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Chef du service édition, autorisation de recrutement d'un agent contractuel. Est-ce que ça appelle des remarques, des observations ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Directeur du développement territorial. Nous recrutons un directeur, une directrice du développement territorial, autorisation de recrutement d'un agent contractuel. Est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Prestation d'action sociale accordée au personnel communal et au personnel du CCS et de la Caisse des écoles, allocation aux parents d'enfants handicapés. Est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Convention relative à l'attribution d'une subvention par le comité du fonds en faveur de l'égalité professionnelle dans le cadre du projet Devenir acteur et actrice de l'égalité professionnelle. Est-ce que ça appelle des remarques ? Pas de remarques. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, subvention à l'Association des jeunes pour le développement à Bagnolet à JDB dans le cadre de l'appel à projet Quartier Fertile pour le déploiement de son projet 4 saisons. Vassindou. Bonsoir, chers collègues. Pour vous situer le contexte, la ville a signé en août 2021, pour 5 ans, une convention avec la JDB dans le cadre de l'appel à projet Quartier Fertile de l'ANRU destiné à développer l'agriculture urbaine dans les quartiers en redéveloppement urbain autour de 3 dimensions, l'économie, le social et puis la question environnementale. 3 thématiques qui s'inscrivent complètement dans notre vision de politique municipale. Et 3 ans après la signature de cette convention, et suite aux différents comités techniques, avec les services et les comités de pilotage élargis aux élus, nous constatons que le bilan est globalement qualitatif. Je tiens tout de même à préciser que la JDB est allée chercher des cofinancements auprès de l'État de la région, sinon le projet ne serait pas viable. Sur le bilan, je peux citer de manière non exhaustive des ateliers pédagogiques avec des centres de loisirs, de Bagnolet, du lien intergénérationnel, la mise en place d'un composteur au quartier des Malassis, des team building avec des fondations d'entreprise qui ont réuni des centaines de participants sur la couverture de l'A3, rendant notre ville plus attractive. À noter tout de même quelques difficultés, non des moindres rencontrées par la JDB, comme le vol de matériel, des barbecues sauvages sur la couverture de l'A3 durant la période estivale, parce que bien évidemment le site est ouvert. Dans les perspectives, l'association envisage d'installer une guinguette sur la couverture de l'A3 pour continuer à rendre le quartier plus dynamique. Pour ce qui concerne les autres sites, notamment le petit carré attribué au square Sampé, il est plutôt assez bien entretenu par la JDB, c'est un espace vert. Quant au parc du 8 mai 45, il y a eu quelques événements, comme les 48 heures de l'eau au mois de mai dernier, ainsi que des ateliers de concertation avec l'école élémentaire du secteur Ballon-Verne pour co-construire la conception du futur jardin pédagogique participatif. Sur le 4e site fléché au stade des Rigondes, il n'a pu être mis à disposition de l'association parce que la direction des sports avait d'autres projets pour cet espace. La direction de la nature en ville vient donc de trouver un espace d'environ 800 mètres carrés au 62 Anatole France, dans une impasse propriété de la ville qui sera proposée à la JDB. Aussi, je vous propose de reconduire cette subvention exceptionnelle de 14 000 euros. D'une part, parce que le bilan est plutôt positif, avec des perspectives d'amélioration, mais également parce que le maintien des aides de la région et de l'ANRU est conditionné au soutien de la ville. Merci de votre attention. Merci, Saint-Doux. Des remarques, des observations? Anne de Rugy. Oui, merci pour cette présentation. Je voudrais juste ajouter quelques éléments. En effet, je pense que le travail qu'a mené la JDB dans le cadre des projets Quartier Fertile est vraiment très positif et s'inscrit pleinement dans la politique d'Est Ensemble en faveur de l'agriculture urbaine et dans les propositions même que la Convention citoyenne locale pour le climat et pour la biodiversité qui a été menée à Est Ensemble avait proposé, puisqu'on avait bien sûr l'objectif de renaturation, d'embellissement des quartiers par la renaturation, et un objectif de une ferme urbaine par ville, ce que nous avons. Je pense qu'avec le recul, on peut dire qu'il y a vraiment des très belles réalisations. La couverture de l'autoroute en est une. L'autre, c'est, il y en a beaucoup, mais il y a aussi le jardin Edo rue d'Estiendorf qui est particulièrement intéressant du point de vue d'expérimentation des techniques, toutes sortes de techniques, en particulier la culture hors sol, puisque là, on est confronté à la pollution des sols. Et d'ailleurs, l'association se fait aider, si on peut dire, est accompagné par une autre association spécialisée sur la question des pollutions des sols. Je dirais aussi qu'il y a quelques collaborations qui sont vraiment très intéressantes. Alors, celle avec On s'aime tous à Montreuil, rue Hoche, qui est juste à côté. Il y a une forte complémentarité entre les deux associations. Celle avec Yapluka ou l'hyperlieu qui a permis de construire tout le mobilier, si on peut dire, de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire les bacs, les abris, les composteurs, etc. On peut noter aussi la participation aux 48 heures de l'agriculture urbaine qui a été cette année coordonnée par Est Ensemble. Donc je dirais que c'est positif pour Bagnolet, mais c'est aussi positif plus largement pour le territoire, dans le sens où l'association participe au renouvellement de l'agriculture urbaine, à l'expérimentation de techniques nouvelles et à des échanges entre lieux dans l'esprit de la charte de l'agriculture urbaine que j'ai portée à Est Ensemble. Donc nous voterons cette subvention, bien sûr. Merci. D'autres remarques, Jean-Claude Ollier. Oui, merci. Oui, sans remettre en cause cette subvention ni l'action, bien sûr, de la JDB, moi, je trouve qu'il y a quand même un problème de méthode. Parce que, voilà, la JDB, elle bénéficie d'une subvention de fonctionnement de 20 000 euros qui est examinée et votée avec toutes les subventions aux associations en début d'année. Et il y a le projet 4 saisons avec une convention sur 5 ans, comme le rappelait Vassindou. De 14 000, donc qui entraîne une autre subvention de 14 000 euros par an que nous votons donc ce soir. Et donc, voilà, qui est examiné et voté à part. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison de procéder comme ça. Il n'y a pas d'imprévu, puisque cette subvention de 14 000 euros se reproduit chaque année. Et donc, pour moi, ça, elle devrait être examinée avec les autres subventions aux associations en début d'année. Parce que ça permet aussi d'avoir une vision globale que les conseillers municipaux et puis nos concitoyens aussi, une vision globale de ce que la ville donne aux différentes associations. Moi, je vous rappelle qu'à la commission de subvention des associations, en début d'année, des fois, on se dispute pour 500 euros. Voilà, donc je crois que c'est important d'avoir la vision de tout ce qui se passe. Et si possible, bon là je prends l'exemple de la JDB, mais en fait il n'y a pas que la JDB qui est dans ce cas, si possible de rapatrier la discussion, d'avoir une, sauf vraiment imprévu, d'avoir une seule discussion sur les subventions aux associations, je pense que ça serait bien d'avoir tous les éléments sur la table au même moment pour décider de façon équitable. D'autres observations? Je rappelle qu'on est dans le cadre d'une convention triennale et que le dispositif il a été, alors on peut toujours modifier les dispositifs, hein, mais il a été validé collectivement il y a maintenant 2 ans, à la fois en bureau municipal, à la fois par le conseil municipal, donc on peut toujours améliorer les choses, voilà, pourquoi pas, mais c'est quelque chose, c'est une convention triennale. Vassindou, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais rajouter que quand on a signé la convention avec la JDB en 2021, c'était dans le cadre de l'appel à projet quartier fertile. Donc, dès le départ, il était convenu qu'il y ait cette subvention exceptionnelle-là. C'est depuis le départ qu'il fallait fixer ces règles-là. Ce n'est pas en cours de match qu'on change les règles du jeu. Ce n'est pas 3 ans après qu'il faut changer les règles. D'autres observations? Monsieur Vionnet, je vous vois sourire, parce qu'il y a une observation de votre part. Vous êtes pour? Je souriais, c'est tout. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Tout le monde est pour. Oui, je trouve que c'est beau. Oui, je trouve que c'est beau. Délibération suivante. Je pense qu'on en est à Édouard Denoy, garantie des emprunts contracté par Est Ensemble auprès de la Caisse des dépôts pour la réhabilitation de la cité Louise Michel. Oui, un mot rapide pour dire que les garanties d'emprunt sont des délibérations classiques qui généralement ne prêtent pas à débat, mais ici préciser d'abord le montant de l'emprunt, puisque c'est un emprunt important de 6,3 millions d'euros contracté par Est Ensemble Habitat auprès de la CDC que la ville garantit, mais c'est davantage l'objet qui est susceptible ici de nous intéresser, parce qu'il s'agit d'une opération d'envergure. On parle ici de 274 logements qui datent des années 80 et pour lesquels une rénovation très importante est menée. Et outre la reprise des espaces extérieurs, outre la reprise des communs, les habitations vont gagner en confort, notamment thermique, puisque sont changées notamment les huisseries. Il s'agit donc de travaux d'ampleur dont la livraison est attendue au premier trimestre 2025. Est-ce que ça appelle des remarques, des observations? Monsieur Vionne. Oui, juste pour dire que nous voterons pour cette délibération, comme nous le faisons à chaque fois qu'il s'agit d'une garantie d'emprunt, d'une opération de construction de logements sociaux et de réhabilitation, et d'autant plus que dans le cas de la Cité Rouge, là, de la rue Louise Michel, il y a des problèmes de vie quotidienne qu'on est, je pense, nombreux à connaître et qui sont aigus, hein, on va dire, de mauvaises occupations des espaces communs, d'état des parkings en termes d'occupation qui est assez dramatique depuis longtemps, de présence quand même plus qu'envahissante du trafic de drogue. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui a grandement besoin d'amélioration. Donc fin des travaux, premier semestre 25. S'il y a d'autres observations. Donc, qui est pour cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est approuvée. Délibération suivante, instauration de l'obligation de numéro d'enregistrement et adhésion au téléservice mutualisé des déclarations proposées par Est Ensemble. Édouard de Noël. Oui, alors là, il s'agit d'une délibération à l'intitulé un peu abscon, mais qui est une délibération importante. Il s'agit, pour résumer, d'un dispositif de lutte contre la location abusive de logements pour en tirer un profit. Location de ce qu'on appelle meublé de tourisme, au détriment donc des logements de celles et ceux qui cherchent un appartement pour leur vie quotidienne. En Seine-Saint-Denis et à Bagnolet, on va dire l'airbnbisation du parc de logements est notoirement moins important qu'à Paris, mais c'est notable. Alors, la location meublée touristique, quand elle se développe et que c'est Monsieur X ou Madame Y qui met sa maison en location une semaine, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est, vous le retrouverez dans la note, la notion des 120 jours. C'est le moment où une location ne devient plus une location classique, mais un changement d'usage. Et le problème principal que cela pose, c'est que toute une série de logements privés sont retirés de la location classique pour en faire de la location Booking, Airbnb ou que sais-je. Aujourd'hui, ces locations doivent être déclarées et seront soumises à une demande de changement d'usage. Et le meublé de tourisme devra disposer d'un numéro d'enregistrement et cette délibération est là pour que nous puissions adhérer au système de téléservice mutualisé par Est Ensemble auquel la ville participera, numéro d'enregistrement qui figurera ensuite sur les annonces. Ce dispositif-là, si on le prend tout seul, on peut l'expliquer tout seul, mais il s'inscrit dans un maillage plus large d'une politique en faveur de l'habitat qui s'agrège depuis le début du mandat. Vous vous souvenez qu'on a voté ici l'encadrement des loyers. Vous vous souvenez également qu'on a voté le permis de louer dans le secteur privé pour lutter contre l'habitat indigne. Eh bien, ce troisième dispositif est un dispositif de plus pour avoir une politique d'habitat cohérente, c'est-à-dire une politique pour un habitat digne, pour un habitat disponible et pour une politique d'un habitat avec des loyers réglementés qui restent trop élevés dans le privé, mais qui ont été contenus par l'encadrement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette délibération. Des remarques, des observations, Monsieur Vionnet. Oui, très, très vite, pour dire que nous voterons cette délibération et que nous nous félicitons qu'Est Ensemble se saisisse de la question, parce que même si le phénomène est très modeste à Bagnolet aujourd'hui, puisque si je me souviens bien, on nous a dit en commission que c'était 0,2% des résidents souhaités, on sait que sur d'autres territoires, dans les zones littorales, à Paris, dans les métropoles, ce phénomène s'est développé à très très grande vitesse. Et je sais que c'est par exemple beaucoup plus préoccupant chez nos voisins des Lilas, par exemple. Et effectivement, là je peux que souscrire à tout ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il convient d'être vigilant. Parce qu'effectivement, on peut voir la chose par le petit bout de la lorgnette en se disant oh, « bah, quelques propriétaires arrondissent les fins de mois en louant » et effectivement, ce n'est pas ça le souci. Mais quand on se retrouve au-delà effectivement des 120 jours à plus d'un tiers de l'année, bah, ça devient une activité qui a pour but d'exclure ceux qui ont besoin du logement parce qu'ils travaillent ici. ou dans le secteur. Et donc, c'est une machine à exclure beaucoup du logement. Donc nous voterons évidemment cette délibération. Merci. D'autres remarques ? Je propose de passer au voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. C'est approuvé. Délibération suivante, Cédric Pape, cession de la parcelle AC77 située au 166 avenue Gallieni au profit de la société Care Promotion. Merci, monsieur le maire. Donc, en rappel du contexte, en 2016, la municipalité, du moins le bureau municipal, avait défini une stratégie foncière afin d'établir un plan de cession de son patrimoine. Donc nous avons continué cette stratégie foncière et aujourd'hui, donc on vous présente l'acte de vente de cette propriété communale pour en fait édifier le projet Lanterne, donc qui sera situé au 166 avenue Gallieni, qui a suivi un processus classique dans notre commune puisque Care Promotion a d'abord présenté son projet à moi-même et à Monsieur le maire dans une première étape. Dans une deuxième étape, Care Promotion a présenté son projet au bureau municipal. Et dans une troisième étape, toujours Care Promotion a présenté son projet lors d'une réunion publique dans le quartier des Coutures. Donc, pour ceux qui ne situent pas la parcelle AC77, c'est l'ex-marché à la ferraille, qui est donc la pointe sud de Bagnolet, et qui présente aussi... on va dire le côté totem du projet, c'est-à-dire c'est un emplacement où l'immeuble qui sera construit, le projet qui sortira de terre, sera visible depuis le périphérique. Donc il est important que celui-ci envoie un signal très positif. Donc nous avons été extrêmement vigilants à la signature architecturale du lieu, dans un premier temps. Ensuite, ce projet, ce bâtiment se composera de trois parties. Donc une résidence étudiante, qui, à la différence des autres résidences étudiantes de la ville, sera, elle, complètement sociale. Donc, on parle de 241 chambres de 23 mètres carrés à vocation totalement sociale. Deuxième partie, une maison de santé, dont nous sommes très fiers, puisque cela permettra, au-delà d'apporter un nouveau bâtiment, ça sera une maison de santé qui sera conventionnée secteur 1 avec de nombreux généralistes. Et je profite de ce projet-là pour vous dire que nous sommes aussi sur le point de créer une deuxième maison de santé, cette fois-ci dans le nord de Bagnolet. Et enfin, troisième partie, un espace de coworking. Tout cela représente un total de 7995 mètres carrés de surface de plancher. Et comme Hamid vient de nous rejoindre, j'en profite pour lui dire que c'est effectivement une vente en one-shot, comme tu aimes bien le dire, mais que cela permet à la ville d'avoir des recettes, mais surtout de faire des sources d'économies d'entretien, puisque ce terrain est aujourd'hui à notre charge totale. Et vous aurez pu remarquer, si vous passez devant, qu'il est souvent sale. Voilà, donc pour l'acte de cession, il se monte à 6 100 000 euros hors taxes pour un terrain aujourd'hui qui est complètement non utilisé par la ville. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations, M. Salens ? Oui, des remarques, bien évidemment, sur cette délibération et aussi des interrogations. Première remarque, on imaginait que cette parcelle ferait l'objet d'un appel à projet. Compte tenu de sa situation, vous venez de préciser sur, justement, le soin que vous avez pris et porté, compte tenu de sa situation par rapport au périphérique et à la vision qu'on a de ce bâtiment. Donc, pas l'appel à projet, on a contourné peut-être ce principe en venant proposer directement un projet au conseil municipal, en tout cas au bureau municipal, et une délibération aujourd'hui simplement. Premier point. Deuxième point, les domaines. Point de repère sur lequel nous nous basons essentiellement pour fixer les prix, nous, collectivités, l'estimation en fait était de 6 407 000 euros. Le prix de vente proposé aujourd'hui ce soir est de 6 100 000 euros, 307 000 euros de moins, alors que ce projet ne bénéficie d'aucun aspect social, peut-être par les bénéficiaires dans un second temps. Mais ceux qui vont investir dans cet endroit, ce sont des gens qui vont venir défiscaliser dans notre ville et à concurrence de 63 000 euros, si j'en crois le site de Care Promotion. puisque tout ça, ce sont des produits financiers. Dans une ville où le taux d'imposition est très élevé, il y en a qui viennent ici défiscaliser. Une forme d'incohérence qui me dérange un petit peu dans, sur ce sujet. Premier point, on est très content. 6 millions, 100 000 euros, c'est une somme dont la ville a besoin. Mais ça ne m'empêche pas de mettre en perspective une délibération à laquelle vous nous avez proposé, enfin, vous proposez de valider, c'est concernant le terrain de Pif-le-Chien. 9 980 mètres carrés que vous avez cédé de mémoire à, au final, 750 000 euros. 839 mètres carrés situés comme on le connaît et comme on le sait, vous l'avez optimisé à 6 millions d'euros, un peu plus. Et d'un autre côté, on se retrouve avec un hectare qui, lui, ne nous a rien rapporté. Donc, je suis un petit peu dérangé. D'un côté, je devrais me réjouir ce soir et me dire c'est fantastique, c'est 6 millions de recettes. Mais d'un autre côté, je me demande combien nous avons perdu sur Pif-le-Chien. Combien ? Si on avait optimisé les choses un petit peu différemment. Je pense que quand on parle d'optimisation, on ne parle pas forcément densification, monsieur Pape. On aurait pu trouver une limite raisonnable pour le promoteur, raisonnable pour les habitants de l'Anou, qui n'auraient pas voulu non plus de complexes démesurés, et raisonnable pour les finances de notre collectivité. Je suis content, 6 millions d'euros, et d'un autre côté, je suis un peu mécontent. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce sujet, si ce n'est que 7 995 mètres carrés, 7 297 de résidences étudiantes dans une ville qui en dispose déjà quand même pas mal. Il y a peut-être des besoins que j'ignore, en tout cas je l'espère. Il y a un espace coworking et café, 248 mètres carrés. Vous enlevez les toilettes qui sont nécessaires, les couloirs, les lieux de passage, ça va laisser assez peu d'espace de travail. Et le cabinet médical, c'est pas une maison de santé. C'est un endroit où de l'argent va se faire. Il y a des gens qui viendront. Ah oui, c'est un cabinet médical. C'est médecin. C'est un cabinet médical. C'est pas une maison de santé. Donc il n'y a pas un aspect social non plus dans cette proposition. C'est là où je m'interroge aussi. Vous direz ça aux habitants. Attends, juste, je vais vous répondre. Sur Jean Lolive, on a déjà eu la discussion. En fait, en 2014, on a eu un engagement très simple avec nos collègues de Dynamique Citoyenne à l'époque. C'était de dire, on ne densifie pas ces parcelles-là. On ne construit pas de logements sur ces parcelles-là. Donc, effectivement, à partir du moment où, en dehors de la reconstitution de l'offre de logement avec Action Logement et Séquences, qui était une obligation liée au PRU 1, on a fait le choix de pas d'avoir de l'activité sur la parcelle dont vous parlez, qui est la parcelle où le projet Human sort. Voilà, donc on a déjà eu le débat. C'est un choix que l'on a fait et qu'on assume. Voilà, et à l'époque, le choix a été fait de ne pas construire. Et c'est aussi quelque chose qu'on a porté devant la population en 2014, de dire... je rappelle qu'à l'époque, les habitants étaient très inquiets des projets de construction qui pouvaient se développer sur ce secteur-là. Sur la parcelle dont on parle ce soir, il y a eu un appel à projet en 2017. L'appel à projet de 2017, il s'appelle « Inventons la métropole numéro 1 ».« Inventons la métropole numéro 1 », la parcelle en question, c'est une des premières parcelles, les premiers projets sur Bagnolet. Je rappelle que c'est Vinci qui a été lauréat de ce projet, avec un très beau bâtiment dessiné par Maud Covey, architecte, avec une programmation très intéressante, sauf que Vinci n'a pas porté son projet au bout, malgré le fait que j'ai autorisé Vinci à travailler une programmation différente qui était de centre de formation, etc. etc. Il n'y a pas eu de... Vinci n'a pas abouti. On a été sollicité par des promoteurs. J'en ai moi-même sollicité, parce qu'à un moment donné, voilà, on cherche une solution pour ce terrain qui était évalué à l'époque par les domaines à 2,3 millions d'euros environ, et qui aujourd'hui est évalué à 6,4 millions d'euros, comme vous le disiez. Donc voilà, donc on a eu ce candidat Care Promotion, il y en a eu un autre, hein, puisque c'est une des premières fois, c'est sans doute la première fois où on a eu l'occasion de présenter aux collègues du bureau municipal deux projets sur la même parcelle. Donc il y a un autre candidat qui a présenté un autre projet légèrement différent, que moins solide aux yeux des élus qui ont choisi unanimement celui-ci. Alors c'est une résidence étudiante, mais c'est une résidence sociale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier développe beaucoup de résidences étudiantes. C'est une réalité. Mais là, c'est une résidence sociale, avec une maison médicale, avec des professionnels de secteur 1. Je pense que c'est plutôt positif. Après, voilà, je veux dire, il y a des gens que je connais qui vendent des chaussures, qui étaient prêts à acheter des parcelles 3 millions d'euros et qui criaient ça dans tout Bagnolet. Bon, aujourd'hui, on a Care Promotion qui achète à 6 100 000. Et on est plutôt satisfait du projet. Ça ne répond pas à une de mes questions, à savoir pourquoi 307 000 euros en dessous du prix des domaines, qui, on le sait très souvent, et voire tout le temps, sous-évalue. Pourquoi aujourd'hui il y a cette négociation ? Pourquoi 300 000 euros de moins ? Juste pour conclure par rapport à l'anneau et à Pif le Chien, à la demande que vous ont fait les riverains de ne pas construire, de ne pas bâtir au travers de dynamiques citoyennes. Peut-être que si on leur avait proposé, expliqué les choses de façon un peu différente, où on ne construit pas grand-chose, ou en tout cas, on fait quelque chose de relativement bas et vous n'avez aucun bénéfice, ou alors on fait quelque chose d'un peu plus adapté, de concerter, de négocier avec un retour financier pour nous et pour tout le monde, et on investit peut-être 500 000 euros, 1 million d'euros à l'ANOU dans des projets pour vous aider, pour vous permettre d'avoir un confort de vie au quotidien peut-être plus normal. Je pense que voilà, c'est ça dont je parle aujourd'hui. C'est pas de récupérer de l'argent et d'en faire uniquement une ligne comptable. C'est d'échanger avec les riverains et de leur expliquer quelles sont les conséquences justement de ce type de décision extrêmement politique. Mais voilà. Et donc pourquoi 300 000 euros de moins donc ? Oui, ah bah, en fait la raison est très simple. Hein. Effectivement, vous avez raison, il faut demander l'avis au domaine et ça a été fait. Effectivement, c'est la valeur estimée à 6 400 000 euros. Avec mon expérience, par contre, je m'inscris totalement en faux. C'est pas du tout sous-évalué. Enfin, je vois pas pourquoi ils s'amuseraient à sous-évaluer. Donc je comprends pas où vous voulez en venir et je sais pas d'où vous tirez cette information-là. De vous-même, dans le cadre d'une autre discussion, mais à sens inverse. Donc je crois de mémoire qu'on était tombé d'accord sur ce principe, en tout cas. Maintenant, je vous laisse. Non, pas du tout. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a quand même un terrain, je pense qu'on est d'accord sur le constat, l'IMGP1 a provoqué beaucoup de retard sur un terrain que nous n'optimisons pas d'un point de vue financier, ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus, qui nous coûte beaucoup d'argent en termes de maintenance, ça vous avez pu le voir à travers le budget, donc il est vraiment temps maintenant de le vendre. Donc on a eu deux projets, c'est pas véritablement un appel à projet comme IMGP1, mais on a eu deux projets qui ont été présentés donc, au bureau municipal, qui étaient assez identiques, et les deux nous ont confirmé, pour être totalement transparent, c'est à 6 millions d'euros les deux. Je pense qu'en ce moment, on est dans un marché difficile et dans un marché économiquement très difficile où les promoteurs aujourd'hui ont beaucoup de mal à réaliser les travaux avec l'envolée des matières premières. Donc, ils nous ont fait cette proposition à 6 millions. J'avais effectivement, comme monsieur le maire et l'ensemble des élus, cette évaluation à 6 400 000 euros, ce qui m'a permis de revenir vers Caire et pour une fois faire un peu de négociation. Et donc, ils m'ont dit à 6 100 000 euros, c'est vraiment notre hauteur maximale. Sinon, on abandonne le projet. On a décidé d'aller jusqu'au bout parce que, très sincèrement, le projet d'abord est très beau. Je vais aller le voir. Deuxièmement, moi, je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Je suis très content qu'une maison médicale s'installe dans le sud de Bagnolet. Et je pense que les riverains sont très contents d'accueillir cette maison médicale avec beaucoup de généralistes. C'est plus d'une dizaine, je crois que c'est 15 de mémoire. Et conventionné 1. Je pense que ça s'inscrit véritablement dans l'ADN de cette ville et c'est un complément au centre municipal de santé. Après, vous pouvez effectivement critiquer l'espace de coworking qui est sur deux étages. Bon, c'est peut-être trop petit à votre goût. Maintenant, c'est le projet qui sort. Ça rapporte 6 100 000 euros à la commune et je pense que sincèrement, c'est un très beau projet dans un quartier qui doit muter et qui va véritablement muter avec le temps. Oui, je suis d'accord avec vous. Maintenant, juste deux points. Le premier, c'est que je pense qu'on aurait peut-être dû reprendre le processus de l'appel à projet pour se trouver ce soir confronté à cette décision hâtive. Et deuxième point, quand on connaît la difficulté aujourd'hui, et je pense que Grégoire Vaguerry pourra nous le confirmer, pour avoir un médecin qui vienne s'installer à Bagnolet, si on ouvre 10 cabinets possibles, ça me paraît compliqué de trouver 10 médecins qui vont venir à Gallieni s'installer. Ça me paraît compliqué. Donc je pense qu'on aura des modificatifs de permis à venir qui vont redistribuer un peu tout ça, j'imagine. En tout cas, nous voterons contre cette proposition. Bah, vous avez bien... Non, nous allons nous abstenir. Ah, ça m'étonnait que vous alliez voter contre. Puisque 6 millions de recettes pour j'étais une très vie, étonné. C'est très important. On prend ça de manière positive. Voilà. Votre absence de manière positive. Voilà. C'est une discussion que nous menons. Voilà. Alors déjà, parce que je n'ai pas perdu mon petit côté taquin et... J'aime bien votre remarque comme quoi vous êtes mi-content, mi-mécontent. Ça prouve que je progresse dans ma fonction d'élu à l'urbanisme, parce que sur Jean Loly, vous étiez fort mécontent, et maintenant on passe au stade content, mécontent. Bon, c'est déjà mieux. Peut-être que je finirai le mandat, ou vous me direz, vous avez fait du bon boulot, je ne sais pas. Bon, là, c'était la petite taquinerie. Ça paraît court. Non, pour répondre à votre question sur la maison de santé, bien sûr que ce n'est pas 10 généralistes ou 15 généralistes qui vont s'installer de façon indépendante. En fait, vous avez un exploitant qui est spécialisé dans le 93, qui est osmose, et qui, lui, a fait sa présentation lors des réunions publiques et lors du bureau municipal. Et sincèrement, soit on a un énorme charlatan en face de nous, dont acte, soit vous avez eu l'ensemble... Ça peut arriver. Soit... Enfin, les élus qui étaient présents au bureau municipal ont tous dit « c'est franchement... un bon exploitant, il était extrêmement convaincant. Et lorsqu'on a fait la réunion publique, les habitants ont été très contents, sincèrement, du service qu'il a apporté au quartier. Encore une fois, dans ce quartier-là, on aurait pu, comme dans beaucoup de villes, accepter un projet immobilier sans compensation. Oui. Et alors là, vous n'arrêtez pas de nous dire qu'il faut savoir négocier, monsieur Pape et monsieur le maire. Hein. Là, cette fois-ci, on arrive avec une résidence étudiante sociale, je pense que c'est bien pour la ville, et on arrive avec un exploitant osmose qui va fournir à la ville, dans le sud de Bagnolet, une quinzaine de médecins généralistes conventionnés. Mais sincèrement, moi, je veux bien que vous soyez mécontents, mais à un moment, il faut juste peut-être dire que c'est du bon boulot. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut avoir une suspension de séance de minutes, s'il vous plaît? Oui, merci. Séance. Bon, la séance reprend. Je propose de passer aux voix. Donc, qui est pour cette délibération? Qui est contre? Peut-être juste. Pardon, allez-y. Juste une petite explication de vote, parce que pour être transparent, ce sujet nous pose des questions sérieuses, parce qu'effectivement, pour un certain nombre de raisons, le fait que malgré tout, c'est une recette significative de plus de 6 millions d'euros, qu'il y a un élément de maison de santé dans le programme, on va finir par voter pour, mais c'est vrai que si ça nous faisait beaucoup hésiter, c'est parce qu'on a quand même deux questions de base. Une question, effectivement, qu'a exprimée notre collègue Sébastien Stalin sur le prix, parce que déjà, moi, je l'ai lu en détail, l'estimation des domaines. Ils expliquent que le prix du marché libre, il est plutôt de 1000, donc sans faire des calculs compliqués, en gros, le nombre de mètres carrés fait à 1000, ça fait 8 millions, ça fait pas 6 millions. Et 2 millions de plus ou de moins, c'est pas rien dans le budget de la ville. Les domaines expliquent dans leur avis, je l'ai lu en détail, je vais pas, comme on a débattu longuement, je vais pas refaire long, qui décotent un peu pour différentes raisons, et on vend encore un peu moins cher. Donc c'est vrai que, pour ça, c'est vrai que ça nous pose une question sur le prix. Et puis la deuxième question que ça nous pose aussi, c'était une question un peu de méthode, parce que comme vous l'avez rappelé, mais ne l'a pas dit M. Pape dans sa présentation, il y avait eu un appel à projet antérieur dans le cas d'IMGP1, inventons la métropole, projet dont vous nous aviez dit en conseil municipal qu'il était formidable. On sait bien que dans le monde de l'urbanisme et de l'immobilier, il y a des fois des avanies, et ça, on veut bien l'entendre. Hein, moi, j'en constate souvent. Mais par contre, ce qui est un peu anormal en termes de méthode, c'est qu'on passe d'un conseil municipal où vous faites voter le principe de cession avant si, dans le cadre d'un projet merveilleux, à inventons la métropole, à un tout autre projet, sans qu'entre-temps, ça d'ailleurs, c'est pas expliqué dans le rapport de la délibération, ça n'a pas été dit initialement en commission, c'est moi qui l'ai rappelé, Monsieur Pape ne l'a pas dit dans sa présentation, sans qu'à aucun moment on ne soit saisi pour dire, et là encore, on vous en aurait pas fait grief, parce que tous les maires sont confrontés à des aléas de projets immobiliers. Ça arrive à tout le monde. Donc, on vous en aurait pas fait grief, mais c'est vrai qu'en termes de méthode, on n'est pas qu'une chambre d'enregistrement, le conseil municipal. C'est aussi un lieu d'information, puisqu'il y a des gens qui nous regardent en vidéo. C'est aussi un lieu d'information sur ce qui se passe dans la ville. Et du coup, je pense qu'il aurait été sain à un moment de faire au détour de je ne sais quelle délibération un point d'information en disant bah, sur ce surtout qu'on parle assez souvent de ce secteur. Sur ce secteur-là, on a un souci avec l'appel à projet inventant la métropole et on va être amené à trouver une autre solution. Et en fait, on ne se retrouve, et je sais que je l'ai déjà dit sur d'autres sujets en termes de méthode, on ne se retrouve saisi et donc informé qu'au moment où le Code général des collectivités vous oblige, en l'occurrence une cession de terrain, à avoir une délibération en conseil municipal. Donc voilà, donc c'est pour ça, pour être totalement transparent, que ce sujet nous laissait un peu mal à l'aise. Donc on votera pour les raisons qu'on a dit, tout en ayant, comme l'a dit Sébastien, des grosses questions sur le prix et des grosses questions sur la méthode. Je vous remercie, c'est noté. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Délibération suivante, convention d'intervention foncière avec les FIF. Cédric Pas. Merci, monsieur le maire. Je vais être très rapide, hein, parce que c'est très technique. Il s'agit de faire un avenant, alors là, 2 et non pas 5 ou 7 ou 8, hein, pour tout simplement faire une prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 de l'EPFIF avec laquelle on travaille. 31 décembre 2025, excusez-moi. Oui, alors pour ceux qui nous regardent, parce que sinon ça peut sembler un peu abscon, hein, les établissements publics fonciers, je dis au pluriel parce qu'il en existe dans une grande partie des régions françaises, sont des outils publics qui permettent donc de maîtriser du foncier, notamment pour des opérations de logement, et qui ont un avantage pour les communes, c'est que ça évite des frais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'endetter pour acheter, puisqu'ils achètent sur des fonds propres qui leur sont apportés, et donc ils ne facturent, une fois qu'ils revendent, que des frais de gestion. Donc, pour ces raisons-là, je faisais ce rappel, nous sommes tout à fait favorables au partenariat entre l'établissement public foncier et la ville de Bagnolet. D'ailleurs, les conventions sont assez anciennes, puisque la première a été signée sous votre prédécesseur. Il y en a eu ensuite une en 2018 ou 2019, je ne me souviens plus. Et là, on en est à la deuxième prorogation. Là, je ne veux pas faire à répétition des questions de méthode. Le seul petit souci qu'on a, c'est que, si mes souvenirs sont bons, lors du conseil municipal où on a voté la première prorogation, je crois qu'on avait demandé, ce qui me semble pas délirant, d'avoir un bilan, simplement, de savoir quelle parcelle avait été achetée, dans quel secteur ça s'était passé. Je crois me souvenir, on peut le vérifier sur les vidéos, je crois me souvenir que vous m'aviez répondu, bien sûr, monsieur Lyonnais. Et là, nous sommes à la deuxième prorogation et nous n'avons toujours pas cet élément de bilan que j'ai redemandé, en commission. Donc voilà, sur le fond, nous sommes d'accord, mais là, on va sans doute plutôt s'abstenir pour ne pas voter les yeux bandés. Mais sur le fond, on est tout à fait d'accord au partenariat avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, mais je pense que ça serait normal que les conseillers municipaux, je ne sais pas si les collègues de la majorité ont plus d'informations que nous, mais en tout cas, il me semblerait normal que les collègues de la majorité et de l'opposition disposent d'un bilan sur une convention qui pèse quand même un paquet de millions. Qu'on transmette aux élus. Effectivement, vous avez raison, on s'était engagé à faire un bilan lors de la prorogation numéro 1. Mille excuses, sincèrement, il n'y a pas de volonté de ne pas le faire, simplement, j'ai envie de dire, un peu débordé sur différents sujets et ça nous a complètement échappé. Donc on voit prochainement l'EPFIF, monsieur le maire et moi-même. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on leur demande à eux de rédiger un rapport, un bilan qu'on vous transmettra par la suite pour qu'ils fassent un bilan complet du rôle de l'EPFIF sur la ville. Si ça vous plaît, si c'est bon pour vous. Très bien. Et du coup, nous pourrons voter la prochaine fois pour, dans la joie et la bonne humeur. Oui, mais faites attention, vous allez finir par voter tout pour. Est-ce qu'il y a d'autres marques ? Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est approuvé. Convention de transfert de propriété, de gestion des voies, des réseaux, des espaces communs du projet immobilier 47-57 République. Cédric Pape. Merci, monsieur le maire. Donc, je ne vais pas revenir sur le projet en lui-même parce qu'on en a beaucoup débattu au sein de différents conseils municipaux. Là, c'est une délibération extrêmement technique qui propose pour les deux nouvelles voies, la nouvelle voie nord-sud et est-ouest, qui avait été proposée d'ailleurs dans l'étude LOSRAL, de tout simplement de conclure une convention entre la Régie de l'eau et Ensemble, la ville de Bagnolet, la société Eiffage, afin de faire une convention de transfert prévoyant les conditions précises de cette rétrocession, parce que ces voies reviendront à la municipalité, à la commune. Allez-y. On ne va pas revenir sur le fond du projet, on a eu l'occasion d'en débattre. Donc là, effectivement, c'est simplement la délibération qui régularise. Bon, il n'empêche que, comme vous le savez, puisqu'il y avait eu beaucoup d'inquiétudes de riverains et que ces inquiétudes, pour les avoir recroisées, en avoir recroisé plusieurs pendant l'été, ces inquiétudes n'ont pas été levées. Donc voilà, ce n'est pas un projet qui fait consensus dans son environnement immédiat. Et en plus, alors qu'il n'y avait pas d'opposition de fond, hein, pour avoir vu ce qui était dit, ce n'était pas une opposition, on ne veut pas de logement à côté de chez nous, c'était sur des points beaucoup plus précis. Ensuite, je ne vais pas redire ce qu'on avait pu dire il y a un certain temps, c'est-à-dire que moi je trouve très positive cette voie nord-sud piétonne. Je trouve regrettable, par contre, et je continue à le trouver, que sa partie sud soit confondue avec des accès parking, parce que je suis malheureusement prêt à prédire que ça fonctionnera mal, parce que le début d'une allée piétonne mélangée à un accès parking, ça marche rarement bien, que le seul arbre de cet îlot très minéralisé a été abattu. Donc voilà, que ce n'est pas un projet... que ce n'est pas un projet satisfaisant pour autant. Est-ce qu'il y a d'autres marques ? Pas d'autres marques ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, instauration du permis de démolir sur le territoire communal. Cédric. Merci, monsieur le maire. Donc la commune compte, pour rappel, hein, puisqu'on nous écoute et peut-être que tous les unes ne le savent pas forcément, mais la commune compte un monument historique, c'est l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, et deux ensembles de logements qui sont labellisés architecture contemporaine remarquable, les bâtiments Castor et Pollux. De Monsieur Balladur. Oui. Jean de son prénom. Jean de son prénom. Et l'ensemble Victor Hugo dans le quartier des Coutures. Aujourd'hui, le PLUI est ensemble, enfin le PLUI, repère actuellement 40 patrimoines à protéger. Et nous sommes en cours d'une révision où nous allons monter ce nombre de patrimoines, ce nombre d'éléments à protéger de 40 à 150. Petite parenthèse, c'est un travail qui est effectué en ce moment par les services, qui est déjà bien avancé. Et j'informe le conseil municipal qu'on a aussi reçu les différents propriétaires qui seraient concernés par ces éléments à protéger. Donc, à l'heure actuelle, lorsqu'on dépose un permis, il y a une zone de protection qui se situe autour des 500 mètres de l'église Saint-Leu-Saint-Gilles. Il est proposé d'étendre ce dispositif à l'ensemble de la commune de Bagnolet. Et donc, dans le même sens, d'instaurer le dépôt d'un permis de démolir pour pouvoir veiller à la protection des nouveaux éléments patrimoniaux que nous allons déterminer, c'est-à-dire au nombre de 150. Voilà. Est-ce que ça appelle des remarques, Monsieur Violet ? Oui, nous voterons pour cette délibération et j'aurais envie de dire, comme je l'ai dit en commission, enfin, puisqu'effectivement, pour ceux qui ne suivraient pas le code de l'urbanisme, autrefois, quand on voulait sur une parcelle démolir un bâtiment et en construire un, il fallait successivement déposer un permis de démolir, ce qui permettait du coup d'avoir un examen, est-ce que ce bâtiment doit être démoli ou pas, pour des raisons patrimoniales, mais on sait aussi que pour des raisons environnementales, et c'est d'ailleurs ce qu'exprime le nouveau PLU de Paris, hein, il est largement préférable de conserver les bâtiments, de les surélever, de les étendre, plutôt que de pratiquer des démolitions-constructions qui ont un lourd bilan carbone, et ensuite on déposait un permis de construire. Dans une réforme, dont j'avoue j'ai oublié la date, du code de l'urbanisme, il y a eu une mesure de simplification, c'est-à-dire le permis de construire valait automatiquement permis de démolir, mais laissait la possibilité aux communes d'instaurer, si elles le souhaitaient, un permis de démolir. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent à Bagnolet, et donc, ben, comme on a eu l'occasion d'en discuter en commission, on trouve que c'est bien de l'instaurer, parce qu'effectivement, ça peut avoir l'air d'un truc un peu administratif, mais ce qu'il y a derrière, ben, c'est à chaque fois de se poser la question de l'intérêt ou pas d'un bien avant de le laisser être démoli, et que notamment, donc c'est bien une question sur le patrimoine. Après, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une vraie vigilance à le faire respecter, parce qu'on est quand même dans une ville qui, ces dernières années, a perdu des éléments de patrimoine assez importants. En matière de patrimoine industriel, la fonderie Landowski. J'ai moi-même, avant d'être élu et comme acteur associatif, participé à des choses pour sauver au moins une partie de l'ancienne usine Belin, rue Grain-d'Orge. Il y a quand même, on le redisait en commission, deux maisons rurales de la rue Sadi Carnot qui étaient protégées par l'architecte des bâtiments de France qui avait demandé leur conservation et qui sont tombées malencontreusement pendant les travaux. Donc voilà, donc nous on votera résolument pour l'instauration de ce permis de démolir, mais je pense qu'il faut une vigilance à le faire appliquer, ce qui n'a pas toujours été le cas dans la période précédente. Et c'est vrai que cette délibération, je ne vais pas revenir sur la commission, mais on a eu avec les collègues Jean-Claude Oliva, Anne Gerval, Edith Félix, des échanges assez intéressants en commission sur comment on pourrait justement tirer le fil sur d'autres sujets. Effectivement, je crois que c'était Edith qui le disait, je parle sous ton contrôle, de muscler un peu les protections réglementaires dans le PLUI, ou, et je crois que c'était Anne qui le disait, d'accompagner ça d'une charte de qualité. Donc je pense que c'est des sujets qui dépassent un peu cette délibération, mais je pense que le débat qu'on a eu en commission était un débat intéressant et qui mériterait d'être poursuivi. Cédric. Bon, déjà, les élus de la majorité savent où se trouve mon bureau. Ils peuvent y venir pour discuter sur des sujets qu'ils amènent en commission sans aucun souci, parce que je pense que je suis assez ouvert. Sur le deuxième point, effectivement, je pense qu'on est assez connus, monsieur le maire et moi-même, pour être très exigeants avec les promoteurs, et je suis plutôt poli, parce que je pense que les promoteurs, lorsqu'ils nous citent avec un autre nom beaucoup plus négatif. Donc, de toute façon, tout ce qui va dans le sens de contraindre, et j'emploie le mot exact, contraindre les promoteurs à suivre une règle droite, de respecter le code de l'urbanisme, de respecter les riverains, de respecter les bagnoletaises et les bagnoletais, ce sont des décisions qui vont dans le bon sens. Donc, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on enrichisse d'abord le PLUI, dans ces révisions pour encore mieux encadrer les promoteurs, mais aussi à travers une charte de promoteurs. Il y a la direction de développement territorial a engagé un travail là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on le reprenne et qu'on fasse aboutir. Ça peut faire l'objet d'un travail en commission, je pense. Et très rapidement, c'est-à-dire qu'en fait, comme il a déjà bien avancé, ouais. Très clairement, j'ai eu vent évidemment de votre remarque. Sincèrement, j'y souscris. On a tout intérêt à se protéger des promoteurs, ce ne sont pas nos amis. Et très clairement, cette charte peut très clairement nous aider à mieux négocier avec eux. Je peux vous dire qu'ils n'aiment pas ça et que moi je trouve que c'est une très bonne idée. Mais par contre, il faut le faire vite. Donc ça sera peut-être la troisième réunion, enfin deuxième réunion que je vais monter suite à ce conseil municipal. Mais je pense que ça va dans le bon sens et on y souscrit. Maire Lehan. Oui, tout simplement pour remercier mon collègue Cédric Pape et les services de l'urbanisme sur le travail qui a été fait en totale transversalité et de m'avoir associé en tant que délégué aussi au patrimoine sur la réflexion justement des éléments à protéger et de penser bien sûr effectivement à organiser cette réunion qui a été fort appréciée par les habitants pour les tenir informés en toute transparence du travail qui était en cours. Voilà. D'autres remarques ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, subvention à destination du réseau de coopération décentralisée pour la Palestine en coopération avec l'association Al-Boustan. Choqué Haddad. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, il s'agit d'une délibération plutôt technique qui vise à permettre à la collectivité de verser 2000 euros conformément à l'engagement que nous avons contracté en 2022 auprès du réseau de coopération décentralisée pour la Palestine, le RCDP. Je rappelle qu'il s'agit d'un projet de sur 3 ans et que nous arrivons à la dernière année. Ce projet vise à soutenir un centre de quartier en plein cœur de Jérusalem-Est, dans le quartier de Silouane, sur plusieurs volets, notamment autour de la jeunesse, via l'implication de nos 5 centres socioculturels à Bagnolet. Une dizaine de collectivités françaises participent à ce projet. Chaque ville a désigné 2 jeunes ambassadeurs pour faire le lien entre nos villes françaises et des jeunes palestiniens, à travers le centre de quartier sur place à Jérusalem et tout au long du projet. Alors aujourd'hui, je souhaite tout de même aborder une question qui nous touche profondément, compte tenu du contexte local sur place là-bas. Il s'agit de l'intérêt croissant de notre jeunesse à Bagnolet pour la cause palestinienne et notre devoir en tant que ville de Bagnolet de soutenir la justice et l'égalité. En ces temps d'escalade de la violence au Moyen-Orient, en particulier en Palestine et au Liban, notre engagement doit être plus fort que jamais. Bagnolet, notre ville, a toujours été un bastion de solidarité et de lutte en faveur des droits humains. Nous avons une histoire d'engagement pour la justice sociale qui transcende les frontières. Et cette tradition se manifeste aujourd'hui par le soutien que nous apportons à la cause palestinienne. Suite aux événements du 7 octobre 2023 et depuis le début des opérations militaires israéliennes, il y a maintenant près d'un an, le bilan humain à Gaza s'élève à plus de 40 000 morts et près de 100 000 blessés, selon le ministère de la Santé à Gaza. Au Liban, bien que le nombre exact de victimes soit difficile à établir à ce jour, les tensions ont causé des pertes humaines significatives, en particulier parmi les civils, et il est donc essentiel que nous prenions position contre ces injustices, Bien que notre contribution soit modeste sur le plan financier, à travers ce projet notamment, notre contribution demeure néanmoins une importance politique considérable. Il s'agit d'envoyer un message clair. Ici, à Bagnolet, nous croyons en la paix, nous croyons en la dignité humaine pour toutes et tous, et nous nous opposons à toute forme d'oppression. La solidarité avec le peuple palestinien est une question de valeur fondamentale que nous chérissons à Bagnolet, telles que la justice, l'égalité et le respect des droits humains. C'est pourquoi je tiens à saluer l'engagement de notre jeunesse à Bagnolet, qui se mobilise pour cette cause. Votre voix compte, vos actions font la différence. Vous êtes la génération qui porte les espoirs d'un avenir meilleur et vous êtes en première ligne pour défendre ces valeurs universelles. Malgré un contexte souvent pessimiste, je choisis personnellement d'être plutôt optimiste. L'histoire nous enseigne que la justice finit toujours par triompher, y compris face à l'adversité. Les mouvements pour la paix et la justice sont puissants et inébranlables. Ensemble, nous avons la capacité d'influer sur le changement. Notre engagement collectif et notre détermination à défendre les droits de chacune et de chacun peuvent semer des graines d'espoir qui germeront au-delà de nos frontières. Et je terminerai par citer une parole très importante prononcée par le révolutionnaire Nelson Mandela. La solidarité avec le peuple palestinien est un devoir moral. Restons unis dans notre lutte pour la justice et écoutons et continuons à porter haut et fort nos voix en faveur de la paix et de l'égalité. Ensemble, bâtissons un avenir où chacun peut vivre en harmonie, sans crainte ni oppression. Je vous remercie. Ce qu'a dit Mohamed Yenan. Oui, merci, monsieur le maire. Évidemment, nous voterons cette délibération. Et effectivement, nos voix comptent. Mais nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui se déroule dans ce quartier de Jérusalem-Est. On apprend par des amis palestiniens du quartier Al-Bustan, dans la ville de Silouane, que des familles palestiniennes ont reçu des ordres de démolition de leur maison ces derniers jours. Il vient s'ajouter à ces dizaines de destructions de maisons depuis un an, laissant plusieurs familles sans abri. Selon les observateurs sur place, à l'allure où vont les destructions et les déplacements des populations, il ne restera plus aucun Palestinien dans ce quartier. Et c'est la porte ouverte à l'élargissement des colonies à Jérusalem. Le gouvernement d'extrême droite en Israël intensifie ainsi sa politique d'expansion des colonies. Et les Palestiniens nous le disent. C'est ici notre terre. Jamais nous ne partirons, en dépit de tous les massacres et de toutes les atrocités. À nous de les aider, interpellons le gouvernement pour qu'il agisse pour faire cesser ces destructions de maisons palestiniennes et arrêter les déportations de la Cisjordanie. Merci. D'autres remarques, effectivement, Mohamed a raison, ces démolitions, ces destructions, ces massacres, tout ça doit s'arrêter. Je pense que l'ONU doit reprendre toute sa place et rappeler le respect des traités internationaux. On serait encore un peu naïf de croire à la parole de l'ONU, mais aujourd'hui, le massacre à Gaza doit s'arrêter. Et la voie du dialogue doit reprendre, si c'est encore possible, en tout état de cause, la voie de la fermeté vis-à-vis de Benjamin Netanyahou. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Mohamed a raison. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Pas d'autres remarques ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Engagement triennal avec IRMO. Yes, merci encore une fois, monsieur le maire. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de poser un pilier fondamental en faveur de l'émancipation de la jeunesse à Bagnolet à travers un projet novateur. Il s'agit du projet Muftah La Clé, en partenariat avec l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient, donc l'IREMO. Je rappelle que la collectivité s'était engagée l'an dernier à verser chaque année une subvention de 10 000 euros sur 3 ans. Je rappelle également qu'il s'agit d'un projet dont le budget total s'élève à 300 000 euros avec la participation financière de nombreux acteurs institutionnels. Et ce projet triennal vise à donner à nos jeunes des quartiers prioritaires de Bagnolet un véritable tremplin vers l'avenir. Il s'agit bien plus qu'une simple initiative éducative. Tout au long de l'année, nos jeunes bénéficieront d'ateliers de formation concrets et inspirants. Ils apprendront à manier du matériel audiovisuel haut de gamme, à maîtriser les techniques de montage vidéo et à se familiariser avec des logiciels professionnels. C'est une montée en compétences qui leur permettra d'acquérir des savoir-faire indispensables dans le monde numérique d'aujourd'hui, mais nous allons plus loin. Ce projet offre aussi une ouverture culturelle exceptionnelle en proposant un séjour de formation dans un pays de la zone Méditerranée-Moyen-Orient, dans une destination qui sera choisie directement par les jeunes eux-mêmes. Ce voyage sera bien plus qu'une simple destination. Il s'agira avant tout d'une véritable immersion culturelle et citoyenne, leur permettant de comprendre les réalités et les enjeux globaux tout en renforçant leur engagement local. En soutenant ce projet, nous investissons dans l'avenir de notre jeunesse, dans leur capacité à devenir des acteurs du changement. Donnons-leur les moyens de maîtriser leur futur, de développer des compétences qui leur serviront toute leur vie et d'enrichir leur ouverture sur le monde. Par conséquent, je vous invite à approuver cette subvention et à donner à nos jeunes les clés de leur propre succès. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Pas de remarques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Délibération suivante, règlement de fonctionnement du CMS. Grégoire de la Gannerie. Oui, merci monsieur le maire. Est-ce que vous me permettrez de faire un peu comme d'habitude, de regrouper les délibérations santé? Merci, je vous remercie. Dans le contexte politique actuel et notamment dans le domaine de la santé, ces quatre délibérations démontrent notre engagement pour lutter contre les inégalités de santé. Ces inégalités, les gouvernements récents et le nouveau gouvernement les entretiennent et les augmentent à travers des hausses de la participation financière des patients pour leurs soins. C'est 1,3 milliard de baisses de remboursement en deux ans qui ont été actées par le Parlement. À travers la remise en cause de droits en lien avec la santé, comme le montrent les débats sur l'aide médicale d'État, ou encore en mettant au pouvoir des personnes qui n'ont pas voté la constitutionnalisation de l'IVG. Ainsi, la première délibération définit le fonctionnement du CMS en termes d'organisation, des règles de sécurité des soins, mais également des droits des patients. Cette délibération vient conclure un ensemble d'actions pour renforcer le centre municipal de santé avec les nouveaux contrats des professionnels, les investissements dans de nouvelles machines qu'il faut d'ailleurs poursuivre, le nouveau projet de centre construit avec l'ensemble des professionnels du centre. Ce renforcement important du service public de santé au sein de la ville doit améliorer l'accès aux soins et renforcer le droit à se soigner et se traduit concrètement avec l'arrivée de professionnels de santé spécialistes qui nous faisaient tant défaut, notamment un orthopédiste depuis début septembre et un cardiologue qui arrivera le 23 octobre. Seconde délibération, la convention avec l'Agence régionale de santé pour le contrat local de santé à hauteur de 22 000 euros par an. Le contrat local de santé permet de définir les priorités pour les années à venir et notamment la lutte contre les inégalités d'accès à l'assurance et aux soins. La mutuelle municipale est un des accomplissements dans ce cadre et qui connaît un vrai succès avec plus de 600 adhérents. Face aux hausses des franchises médicales, de tickets modérateurs sur les soins dentaires, la mutuelle municipale est une solution pour protéger contre la hausse de coûts des soins et à des tarifs avantageux d'assurance. Troisième délibération. La convention pour les actions du contrat de ville avec la préfecture à hauteur de 47 000 euros. Ce programme permet de financer des actions importantes, comme les actions de prévention sur la santé des femmes, notamment les actions autour d'Octobre Rose, mais aussi 10 000 euros consacrés à l'accès aux soins des personnes sans couverture maladie, en proposant une prise en charge gratuite de ces personnes au sein du centre municipal de santé. En effet, nous nous devons d'offrir à chacun, quelle que soit sa situation, un accès aux soins, car c'est un non-sens médical, un non-sens économique et une aberration morale de refuser ou de ne pas permettre à une personne qui souffre d'une pathologie de se soigner. Enfin, dernière délibération, nous proposons au centre municipal de santé 3 journées de dépistage en partenariat avec la Mutualité française en octobre, novembre et décembre. L'objectif est de faire bénéficier à 60 personnes de plus de 60 ans d'une journée complète de dépistage, maladies cardiovasculaires, problèmes auditifs et visuels, prévention bucco-dentaire. Là encore, l'accès aux soins, la lutte contre les inégalités de santé passe par des actions de prévention fortes, comme ces journées ou la bagnole thèse, qui, je le rappelle, aura donc lieu cette année, le 19 octobre. Et donc, je vous donne tous rendez-vous pour nous mobiliser contre les inégalités de santé, contre le cancer du sein, lors de la bagnole thèse le 19 octobre. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Donc, qui est pour la délibération 28? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération 29, convention pluriannuelle avec l'ARS dans le cadre du CLS, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Délibération concernant les actions dans le cadre du contrat santé, du contrat de ville, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Délibération concernant les journées check-up santé au CMS. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cédric Pape. Juste avant de passer aux questions diverses et donc aux deux vœux, j'informe l'ensemble des conseils municipaux de deux protections fonctionnelles qui ont été demandées par, par Vassindou Cissé et Monsieur le maire suite à des insultes et à des menaces de mort, et que conformément à la loi, ces protections fonctionnelles ont été accordées et que le conseil en est informé. Je peux dire un mot à ce sujet? Oui. Moi, je voulais dire deux mots en démarrant, mais on a démarré sur les chapeaux de roue à propos de ces demandes de protection fonctionnelle, parce que jusqu'à récemment, ces demandes de protection fonctionnelle devaient faire l'objet d'une délibération du conseil municipal. Maintenant, elles sont octroyées de droit. D'abord, je voulais au nom du groupe apporter, témoigner notre soutien, enfin, vous, témoigner votre soutien, parce que c'est parfaitement inacceptable. Bon, Solène m'expliquait en deux mots ce qui vous est arrivé. Enfin bon, de toute façon, il faut les condamner fermement. Il n'y a pas que les violences envers les élus qu'il faut condamner, mais celle-là en particulier, puisqu'on est au sein de cet hémicycle, il faut le souligner. Alors, s'agissant des demandes de protection fonctionnelle, c'est pas forcément évident de savoir de quoi il s'agit. Les élus comme les agents de la fonction publique bénéficient d'un régime de protection particulier qui leur permet de bénéficier d'une assistance financière ou psychologique dans le cadre de violences, d'agressions, d'injures dont ils ont été victimes dans le cadre de leur mission. Mais je voulais dire simplement que ce n'est pas les premières demandes de protection fonctionnelle dont on parle ici. On est élu depuis 4 ans, il y en a eu, je sais pas, 4, 5, 6, un certain nombre. Mais il faut s'interroger sur le nombre de demandes de protection fonctionnelle dont on parle ici. Ça traduit quand même un certain climat de violence, alors qui n'est évidemment pas propre à ce territoire, parce qu'il y a eu un dispositif gouvernemental, ce gouvernement Borne, justement, qui tendait à renforcer, enfin, un plan de prévention et de lutte contre les violences dont sont victimes les élus. Mais alors, c'était un gouvernement macroniste, donc c'était essentiellement un dispositif de répression. Mais je pense qu'il faut s'interroger ici sur la mise en place d'un dispositif plutôt de prévention. Et on ne peut pas se résoudre à banaliser ces violences. Je pense qu'on devrait s'interroger collectivement sur des mesures de sensibilisation, de prévention destinées à l'ensemble de nos concitoyens pour essayer d'endiguer ces violences beaucoup trop fréquentes. Effectivement. Merci de votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant de passer au vœu et à la question orale? Marc, on passe d'abord à la question orale ou les vœux? On passe par la question orale. Solène Le Bourris. Bonsoir. Donc en fait, cette question orale concerne l'organisation des études du soir. Donc c'est une organisation qui dure, moi-même je l'ai connue, donc ça fait des décennies que c'est comme ça. En fait, les enfants goûtent, que ce soit l'hiver ou l'été, goûtent dehors sous le préau. C'est pas très confortable, c'est peut-être certes une demi-heure, mais les enfants, quand ils reviennent, ils sont excité, c'est difficile, le retour au calme. C'est pas évident aussi de goûter par terre, c'est pas très propre. Moi, je vois, par exemple, dans l'école dans laquelle je travaille, il y a de plus en plus de pigeons. C'est comme ça, on n'y est pour rien, mais c'est un fait. Donc, en fait, j'aimerais attirer votre attention sur l'organisation de ces études, notamment le moment où les enfants prennent leur goûter. Actuellement, ils sont amenés à s'asseoir par terre à l'extérieur. Donc, je répète, je dis juste ma question. Ce qui est, avec l'arrivée des températures plus fraîches, devient inconfortable et peu hygiénique. Nous vous demandons s'il serait possible de revoir cette organisation en permettant aux enfants de prendre leur goûter assis dans un espace adapté. Nous pourrions non seulement améliorer leur confort, mais aussi instaurer un moment calme propice à la concentration. Cela favoriserait un environnement plus serein pour la réalisation de leurs devoirs. Serait-il possible d'envisager une amélioration de cette situation? D'autant plus qu'il serait possible de refaire monter les élèves en salle de classe, tout en sachant que le lendemain matin, le ménage est fait dans les classes. Donc, on pourrait mettre à disposition dans ces classes un sac poubelle qui permettrait justement de regrouper les déchets. C'est plus facile que d'aller les ramasser par terre dehors. On le mettrait de côté. Donc voilà, il y a des solutions. Je pense que ça ne changerait rien au niveau de l'organisation et des missions des agents de service, parce qu'il y aurait juste à récupérer en vrai un sac poubelle et ça rendrait peut-être, ça serait beaucoup plus confortable pour les enfants. Ce qui est très simplement, ce qui a été demandé, ce qui est rappelé, ce qui est proposé, c'est que cette restauration en cas de température hivernale, automnale, en cas de pluie, cette restauration puisse avoir lieu dans les réfectoires. Voilà ce qui est rappelé dans un premier temps à toutes aux différentes équipes de la ville, de la direction de l'éducation et de l'enfance. Voilà ce qu'on propose. Les vœux. Deux vœux. Qui présente les vœux? Le premier vœu à l'attention de Monsieur le Président de la République. Solène Le Bourris. Tous les groupes s'y sont associés. Donc tardivement, je le dis quand même, puisque j'ai reçu le mail, j'ai vu à 17h et quelques. Et j'étais en animation pédagogique, donc je ne pouvais pas regarder non plus. Voilà, donc l'ensemble du conseil municipal s'associe et votera favorablement à ce vœu. Je vais peut-être en proposer la lecture. Donc. Ouais. À l'attention de Monsieur le Président de la République, considérant le résultat des récentes élections législatives qui reflètent un bouleversement profond dans le paysage politique de notre pays, nous, membres du conseil municipal, tenons à exprimer notre vive inquiétude quant à la montée du Rassemblement national. Nous sommes convaincus que l'arrivée de ce parti aux portes du pouvoir représente un danger majeur pour les valeurs démocratiques, républicaines et humanistes de notre nation. Le Rassemblement national, à travers son programme et son histoire, incarne une vision politique qui menace les principes de solidarité, de tolérance, d'égalité et de respect des droits fondamentaux. Ces propositions risquent de fracturer notre société, de diviser les Français et de remettre en cause les acquis sociaux qui font la force de notre République. Dans ce contexte, il est crucial que le gouvernement de notre pays reflète une véritable représentation des aspirations de nos concitoyens, tout en restant fidèle aux fondements républicains. Nous appelons donc au respect du choix des électeurs et à la nomination d'une ou d'un Premier ministre issu du Front populaire, arrivé en tête aux législatives, afin de garantir une politique qui unisse plutôt qu'elle ne divise, et qui soit à la hauteur des défis sociaux, économiques et écologiques auxquels nous sommes confrontés. Nous vous prions, Monsieur le Président, de prendre en considération ce vœu et d'agir pour protéger notre démocratie nationale en écartant toute possibilité de compromission avec les forces de la régression sociale et politique telles que le Rassemblement national. Merci. Je passe aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé. Et ensuite, un vœu déposé par le groupe Bagnolet en commun. Allez-y. Alors, le vœu que nous vous soumettons ce soir, il évoque l'école publique et nous le faisons dans un contexte particulier. Le contexte de la Seine-Saint-Denis que vous connaissez, où la mobilisation pour un plan d'urgence reprend en cette rentrée scolaire. Un contexte gouvernemental ensuite, puisque à la fin du discours de politique générale du Premier ministre, la secrétaire générale des écologistes le résumait ainsi, je cite, en parlant du Premier ministre, « Il a un programme bien plus concret pour les prisons que pour l'école, ça en dit tellement ». Oui, en cette rentrée, les motifs d'inquiétude pour l'enseignement public, de la maternelle à l'université d'ailleurs, sont encore plus importants. L'éducation publique est en danger et les inégalités ne cessent de se creuser. Les moyens humains manquent singulièrement, on le sait, en Seine-Saint-Denis, avec plus de 350 millions d'euros qui ont été chiffrés par l'intersyndicale, heures et moyens manquants des enseignants aux ATSEM, aux AESH, pardon, en passant par les CPE. Les moyens dans le bâti manquent également et le plan de rénovation du bâti qui avait un temps été annoncé par le gouvernement n'advient pas chez nous. Le cœur de ce vœu est donc la demande du respect de l'égalité territoriale, mais aussi de rappeler qu'une autre ambition pour l'école est possible. Nationalement, d'abord, c'est le programme du NFP qu'on a tous eu entre les mains, mais ça va mieux en le redisant. Baisse du nombre d'enfants par classe, suppression de Parcoursup, mixité scolaire renforcée, meilleur salaire pour les enseignantes, les enseignants. Localement maintenant, nous continuons à œuvrer et nous le faisons pour améliorer les conditions d'accueil, les conditions d'éducation, les conditions d'épanouissement et d'émancipation des élèves. Depuis les plus petites classes, où les ATSEM ont vu leur métier revalorisé et centré sur l'assistance éducative, jusqu'au secondaire, avec la mise en place de l'innovant dispositif acte d'accueil des collégiens temporairement exclus de leurs établissements. Concrètement aussi, pour garantir une école gratuite avec l'augmentation des dotations pour rendre les fournitures scolaires gratuites, et ce dispositif de gratuité devra être amélioré à la rentrée 2025, mais il existe déjà et il faut le souligner. Et puis enfin, outre la reconstruction de l'école Pêche d'Or, outre la rénovation accélérée du bâti scolaire qu'on a pu constater là à cette rentrée scolaire, outre la végétalisation des cours d'école, nous pensons que le cadre communal, la ville, peut être un moteur de l'innovation pédagogique et de l'excellence. C'est pourquoi nous continuons à travailler notamment sur les rues aux écoles, avec l'association Respire que nous rencontrerons prochainement. C'est pourquoi nous allons pouvoir mettre en œuvre le savoir rouler à vélo dans la cour de l'école Coton. C'est pourquoi enfin nous allons travailler au renforcement de l'offre culturelle, de l'ouverture aux projets de découverte et d'émancipation pour les enfants, via notamment le dispositif Caisse des écoles, car l'école doit être chérie par toutes et tous, pour nos enfants, et c'est le sens de ce vœu. Je vous remercie. Donc nous vous proposons d'adopter ce vœu, ce plaidoyer pour l'action municipale. Mohamed. Oui, c'est un point de principe qui n'a rien à voir avec le contenu du vœu lui-même. Alors, vous dites comme le prévoit le programme du Nouveau Front Populaire. C'est bien. Mais si on veut rester dans l'esprit du Nouveau Front Populaire, il me semble qu'il aurait été logique de proposer ce vœu à tous les groupes du Conseil et de le porter ensemble. C'est unis sur cette question, être unis sur cette question à gauche, c'est l'esprit même du Nouveau Front Populaire, il me semble. Vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas fait ce choix, c'est dommage. Par ailleurs, à côté, nous avons proposé un vœu sur les dangers de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, et dans l'esprit même du NFP, nous l'avons proposé à tous les groupes du Conseil municipal. Alors, je réponds juste en un mot, je me suis réveillé un peu tard, et pardon, voilà, c'est juste ça. Tu fais une suspension de séance ? 5 minutes ? Non, je plaisante. On est tous Nouveau Front Populaire. Après, il y en a qui ont gagné les législatives, d'autres qui les ont perdues. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé, la séance est levée.